Hop. Bon. On a toujours le... les gros raclements de gorge de fumeurs, alors que moi je fume pas. Il est que 36, hein, c'est bon. Ouais, c'est cool. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on ait fini à 39, donc on va essayer de... Bonjour, voilà. Bonjour, salut. 10 épisodes quand même déjà, hein. Le 11e là. Enfin, ouais, c'est ouf. Et... enfin bref. Bienvenue dans Brocast, épisode 10. Donc ouais. Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et besognant dans ce milieu aussi étincelant que complexe. Le premier bro, c'est moi, Bruno, chez Bruno sur Twitter, ancien journaliste JV et travaillant désormais pour Storybird Games, studio cofondé par le deuxième bro, Julien alias Forza Pedro, sur le réseau social où le niveau des débats politiques est comme toujours bien souvent fabuleusement crétin. Alors Juju, comment ça va? Ça va. Allez, fin. Merci d'avoir suivi cet épisode 10. Non, bah ça va. Tu parles de politique, mais bon, les primaires, j'en ai rien à foutre. Ouais, alors Sarkozy, bon, ça... Oui. C'est barré, j'en ai rien à foutre. Quelle indignité. Quelle indignité. C'est tous des connards, voilà. Ils sont tous indignes de toute manière. Il n'y en a pas un. Alors bon. C'est très réac ce que je suis en train de dire, mais j'ai perdu foi en la politique à la première élection. Non, d'aucuns diront. J'ai déchiré ma carte d'électeur. D'aucuns diront que c'est populiste de dire tous pourris. Moi en fait, ceux qui me suivent, moi je. Mais depuis tout gosse, hein, je savais déjà que j'étais un enfant différent. Parce que moi. Tout petit déjà, j'adorais suivre les débats politiques. Donc, moi, je suis captivé par l'histoire politique de notre pays et oui, voilà. Mais moi, c'est pareil. Et la politique internationale, tu vois. Je dis pas que tout le monde dit que des conneries sur les réseaux sociaux liés à l'actu politique, mais très souvent, il y a des raccourcis, il y a des prises de bec qui sont à mourir de rire. Et ça me voilà. Enfin, bref, si vous venez de découvrir ce podcast absolument fantastique qu'est Brocast, on vous rappelle brièvement le principe. Tiens, bah pour une fois, c'est toi qui vas le résumer le principe, Juju. D'accord. Parce que voilà, pour changer un petit peu. C'est un podcast et on parle de jeux vidéo. De jeux électroniques. On parle non, de bah cassettes si, de jeux électroniques. Tu vois, c'est genre, pour moi, ça aurait dû s'appeler Apérocast, quoi. C'est comme si on avait des cacahuètes, des pistaches et du coca. Parce que moi je bois pas d'alcool, donc toi après tu prends ce que tu veux. Non, toi ce serait du. Comment ça s'appelle là? Merde, putain! Le soda US là! Ah, j'en ai quelques-uns dans le cas. Ah! Ouais, c'est mon soda préféré. Ouais. En trinque, et genre on s'est pas vu depuis 3 mois, et puis hop, vas-y, on va parler de jeu quoi. Voilà, pour moi le concept, je le résume à ça, c'est on parle de jeu tous les deux, on débat, et il y a un bouton rec, tu vois, à côté, mais c'est tout quoi. Pas forcément de structure bien définie. Comme si les auditeurs écoutaient des potes discuter jeux vidéo. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas de « c'est l'émission jeux vidéo, aujourd'hui on va traiter de ça », genre super sérieux. Alors maintenant, c'est l'heure de la review. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voulait éviter. Voilà. Donc, c'est une discussion en toute détente autour du jeu vidéo. Et on vous convie à vous asseoir autour de notre table virtuelle. Ouais. Donc, pourquoi t'as chanté? Je ne sais pas. Tu sais, je j'ai pas compris, j'ai cru qu'il y avait un problème. Je pense que le manque de sommeil joue énormément. Peut-être là une sérénité prématurée, Team Quadra forever. Donc aujourd'hui, avant de passer à nos petits coups de cœur, coups de gueule, c'est une thématique un peu particulière qu'on va aborder aujourd'hui, un peu hors série, très rétro, où en fait on va revenir sur des duels de jeux vidéo rétro qu'on a pu voir à l'époque dans les magazines ou qui ont pu animer les cours de récréation, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, à la fac ou au boulot, selon votre âge. Des duels parfois pas justifiées, parfois justifiées, mais en tout cas qui ont toujours animé, et encore aujourd'hui sur le net et ailleurs, même dans des podcasts, voilà, qui animent les joueurs de tout bord. Ouais, c'est un sujet qui a déjà été fait, quoi. C'est assez classique comme sujet, finalement. Bah, c'est assez classique, et en même temps, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, très souvent dans certains podcasts, on va prendre deux jeux et ça va faire l'émission. Ouais, c'est très souvent, alors soit deux jeux, alors bon, généralement c'est genre Dragon Quest, Final Fantasy, Mario, Sonic, ou alors Sega, Nintendo, c'est carrément les consoles, et ça tourne toujours autour de ça, quoi. Voilà, et moi, pour qu'on se différencie un petit peu, parce que j'aime bien qu'on se différencie, en tout cas... Vous nous direz, mais c'est ce qu'on essaie de faire depuis le début aussi, de prendre des angles qui diffèrent un petit peu de ce qu'on trouve voilà, sur le reste de l'Internet. Là, c'était vraiment d'enchaîner différents duels, pas forcément faire 3 heures dessus, mais d'enchaîner. Alors, pour tout vous dire, on a donc fait une liste avec Julien. On vous a demandé aussi sur les réseaux sociaux de nous proposer des duels, et on vous remercie de les avoir proposés. Certains ont été intégrés donc à la liste de duels. Est-ce qu'on pourra tous les faire ? Rien n'est moins sûr. C'est pas, on verra ouais, bien. Ouais, on verra bien. Et surtout, on ne s'est pas concerté avant au niveau de notre opinion. Il y en a qui méritent pas trop de débat, je pense, franchement. Ouais, voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur certains, on n'est pas revenu dessus avant l'émission, pour garder une certaine fraîcheur au niveau du débat. Donc sur pas mal de duels, on ne sait pas qui va prendre fait et cause pour tel ou tel jeu. Quoi, voilà. Rapidement, avant qu'on passe donc à ce Retro Game Battle, deux choses. Moi, gros coup de gueule donc, contre Dragon Quest Builders. Donc ceux qui suivent l'émission savent que j'étais très enchanté par le jeu sur différents aspects, notamment toute sa construction... les règles de gameplay qui étaient établies, qui étaient vraiment, vraiment bien futées et bien amenées. Gros souci de gameplay, gros souci de jouabilité au niveau de la pose d'éléments qui pour moi est vraiment, mais manque d'une précision, enfin c'est hallucinant. La caméra qui est vraiment hyper punitive. Et ces éléments-là, en fait, ont eu raison de ma patience. Ce que je vous disais lors de la dernière émission, que malgré tout, je persistais parce que le jeu était malgré tout captivant. Mais là, vraiment, j'étais arrivé à un point du jeu où il fallait que je modernise le petit village que j'avais construit. Donc en détruisant des éléments et en reconstruisant des éléments plus solides. Et avec la configuration que j'avais fait, en fait sur mon village, le fait de détruire certains éléments et de reconstruire avec des nouveaux au niveau de la caméra, c'était juste insupportable. Insupportable. Et j'avais envie de moderniser... voilà mon village, parce que le principe effectivement c'est qu'à la fin on se retrouve carrément avec un château, enfin voilà une forteresse, ouais. Et du coup bah j'ai arrêté parce que vraiment malgré les grandes qualités du jeu, tous ces défauts ont vraiment pris le pas et je commençais à m'énerver devant mon écran. Et alors déjà que j'ai pas beaucoup le temps de jouer par ce semaine, là je me suis dit non, c'est pas possible. Donc c'est vraiment avec une grosse frustration que j'ai arrêté Dragon Quest Builders, et qui, je le répète, pour moi a été surnoté vraiment un peu partout, y compris sur Gamecult, hein. Ce qui m'a vraiment déçu, c'est que ces problèmes d'ergonomie qui sont pour moi impardonnables n'ont pas été trop relevés, et moi c'est ce qui m'a vraiment gâché l'expérience. Mais du coup t'as eu quand même combien d'heures de jeu Je te dis, c'est difficile parce qu'il me semble que c'est compté en jours. Mais j'ai joué vraiment longtemps, c'est à dire que j'ai commencé vraiment à explorer diverses contrées, j'avais vraiment des ressources, je me suis fait chier à passer. Ça fait plusieurs semaines quand même, du coup, que tu y jouais effectivement. Ah oui, j'y jouais. Ben, pour te dire, j'y jouais autant que Persona 4, hein. Vraiment, je m'étais bien investi parce qu'il est vraiment captivant sur plein de points. Mais je suis dégoûté parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps en fait. Et c'est même pire que ça, c'est que ça génère de la frustration parce que j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Ouais. Je m'étais fait chier à faire de belles installations, à crafter en avance. Plein d'éléments, on va dire, plus nobles. Bon, tu y reviendras peut-être un jour, tu ne sais pas. Ben, je pense pas. Non, je suis trop dégoûté. Ouais. Peut-être le 2, parce qu'il y aura un 2. S'ils améliorent ce côté-là, ouais, je pense que j'y reviendrai. Non, mais c'est des gros cons, tu vois, parce qu'il fallait tout simplement faire un mode exploration, donc où tu vois ton personnage, et puis un mode construction où, paf, tu passes en mode FPS, et puis là, tu construis, quoi. Il suffisait juste de faire ça pour régler tous les problèmes. Ça me paraît l'évidence même. C'est évident. Ils auraient copié-collé le système de Minecraft au-delà des considérations techniques dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire les ralentissements, la chute de framerate. C'est encore si avec ça, bon, c'était pas grave. Mais juste la vue, la caméra pour... Ça aurait été tellement extraordinaire. Ça aurait été tellement extraordinaire. Donc là, bon, je vois pas où est le problème de faire ça. Je veux dire, depuis. Tu vois, même pour tirer dans Ocarina of Time, c'était déjà comme ça, quoi. Tu vois, paf, ils te mettaient une vue subjective. Quand c'était nécessaire d'avoir une vue subjective, pour tirer, par exemple, c'est pas grave si le personnage, tu le vois plus un certain temps. Tu vois, c'est. Je sais pas, c'est bizarre, je trouve, d'avoir. Et ce qui est étonnant, c'est que. Autant, tu vois. À force de prostituer la licence Final Fantasy, Square Enix a délivré certains jeux FF qui étaient hyper décevants. Autant, moi de mémoire, surtout après Dragon Quest Heroes, qui était vraiment génial, les déclinaisons, les spin-offs accolés à la licence Dragon Quest... Ah, c'est toujours des excellents jeux. Et là, c'est la première fois que... Mais je comprends pas, ce qui est une sorte de consensus... Là-dessus, sur le fait que bah il y a pas de souci particulier. Écoute, moi je comprends pas. Est-ce que c'est de l'aveuglement? Est-ce que c'est Enfin bref, donc on va passer rapidement de choses. Je vais passer très rapidement sur un documentaire dégueulasse qui est passé sur Arte sur les jeux vidéo où je me serais cru revenir aux années 80-90 où en gros le jeu vidéo va tous nous tuer, c'est le mal. Le jeu vidéo nous rend esclaves. Est-ce qu'il génère en nous des comportements violents? C'était les 30 premières minutes d'un document sur les jeux vidéo sur Arte, venant de cette chaîne qui passe l'excellente émission Beats de Rafik Djoumi, d'ailleurs, que je vous conseille vivement, où là le jeu vidéo est traité vraiment comme un art, une culture à part entière, et vraiment il y a des sujets passionnants sur le jeu vidéo, pas que sur le jeu vidéo, mais c'est en général c'est sur la culture geek, la pop culture, etc. Là, ce document d'Arte, j'ai tenu que les 30 premières minutes, j'ai coupé, parce que c'était vraiment à charge, avec des musiques dignes, des documentaires sur les terroristes ou sur les trafiquants de drogue, toujours un ton accablant, très flippant, attention, les jeux vidéo vont nous tuer, quoi. Enfin, limite, voilà. Bon, ça m'a... C'est incompréhensible. Profondément de toute façon, choqué. On est dans un pays rétrograde. Hein, donc. Et ça m'a rappelé les heures les plus sombres des sujets jeux vidéo, dont un qui était passé à l'époque sur TF1 dans la fin des années 80. En parlant des consoles japonaises, il parlait de péril jaune. Enfin, vraiment, les vieux relents de racisme. Enfin, bref, on va passer rapidement. Coup de cœur, très très rapidement. Sur un documentaire, alors je ne l'ai pas vu entièrement encore, hein. J'ai vu que la première demi-heure, mais alors déjà la première demi-heure m'a subjugué. Et comme d'habitude, je trouve qu'on ne relaie pas assez l'information sur les documentaires jeux vidéo. Il y en a plein qui se font sur le net qui sont absolument vraiment fantastiques. Donc là, je l'ai trouvé sur Steam, une fois de plus. Donc ça s'appelle From Bedrooms to Billions, The Amiga Years. Donc c'est sur l'Amiga, vous l'aurez compris. Et donc, on a un tas d'intervenants, en fait, c'est de ceux qui ont créé l'Amiga à l'époque. On a des intervenants venant de l'univers du jeu vidéo, de ceux qui ont fait les plus grands hits sur Amiga. On a des intervenants musiciens des années Amiga. Ah. Hein, coucou Chris Usbeck, qui est dedans. D'accord. Aussi. Et donc en fait c'est hyper détaillé, c'est-à-dire que la première demi-heure que j'ai regardée, ça revient vraiment sur la construction de l'Amiga. On te montre les plans, les plans de l'ordi, les entrailles de l'ordi quand il l'étudiait. Enfin tout est raconté de manière très très très très très précise. Et là j'ai regardé la première demi-heure, ou peut-être les premières 20 minutes peut-être. Non, j'ai visionné une heure samedi sur Steam. Et j'en étais encore... il dure plus de 2 heures, je crois qu'il dure 2h30. Ah ouais. Là, j'en étais encore sur la construction de la machine, avec les détails hardware, les plans de l'époque. C'est je vais regarder ça. Passionnant. Alors, si comme nous, l'Amiga était une machine qui vous a marqué vraiment au fer rouge, c'est à voir absolument, surtout que là, je suis même pas encore dans la meilleure partie, c'est-à-dire que j'ai vu... soft. Voilà, il y a plein de créateurs donc de l'époque qui répondent en interview... Voilà le ressenti de l'époque sur l'Amiga. Et je peux même pas vous dire la liste parce que j'ai vu quelques noms comme ça dans le teaser sur Steam, enfin dans la bande-annonce. Mais j'ai pas tout vu, donc je vous dirai ça au prochain numéro. Mais si vous aimez l'Amiga, donc From Bedrooms to Billions, The Amiga Years sur Steam, foncez, pareil, j'ai dû le payer peut-être une dizaine d'euros, mais pour moi voilà. Vraiment, la qualité se paye et il faut pas hésiter à mettre la main au porte-monnaie pour des docs comme ça. Voilà, Juju, je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Non, ouais, si, vite fait. merde. Pardon. J'ai. Ah putain, ils vont croire à chaque fois que j'ai la crève ou que je suis malade, mais. Mais c'est vrai que j'ai des saloperies. J'ai des morceaux de gorge qui se barrent, limite, tu vois. Putain. J'ai l'autoroute du soleil dans la gueule, quoi. ouais, rapidement, il y a eu un Ulule qui a été fait pour le prochain album donc de Stupéflip. Alors j'imagine que voilà, il y a des gens qui connaissent et des gens qui connaissent pas. Ils iront regarder s'ils veulent. Pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai beaucoup traîné dans le milieu de la musique, moi, avant de me mettre aux jeux vidéo. Là, tu faisais de la country, je m'en rappelle. Exactement. professionnellement. Ce qui fait, c'est aussi la raison pour laquelle je fais quasiment toutes les musiques de mes jeux, même si je fais appel maintenant à d'autres musiciens, quand on a les moyens, parce que voilà, ça coûte de l'argent. ils ont fait un Ulule pour leur prochain album. Faut savoir que Stupéflip, donc c'est un groupe de rock, rap, électro, expérimental, complètement délirant, mi-humoristique, mi-sombre. Je saurais pas trop définir ce qu'est Stupéflip, quoi. Ce sera un mélange de. Allez, si on doit faire des jeux vidéo, ce sera la rencontre de Monkey Island. Plutôt non. Ce serait la rencontre de Day of the Tentacle et de Silent Hill, quoi. Voilà. D'accord. Vois, ah oui, d'accord. Pour donner l'univers un peu du groupe. C'est, à mes yeux, ce qui se fait de mieux en musique française. Je l'ai su depuis quand même pas mal de temps. Et pour moi, c'est vraiment le summum de ce qu'on a en France. Et il fait partie, moi, de mon top 4, top 5 des plus grands groupes de tous les temps avec Radiohead... Nine Inch Nails and Co, quoi. Alors que je déteste la musique française, hein. Mais au passage, ça chante en anglais ou non, c'est tout est en français. Ah, ils chantent en français, ah d'accord. Ouais, ouais. C'est rare parce qu'en général les groupes rock, enfin en tout cas, c'est des indés. Ceux que j'entends, ils chantent en anglais, ce qui peut se comprendre d'ailleurs pour viser des fois, un public plus large. En anglais, mais bon, ça. En fait, faut voir vraiment tout leur album comme une histoire qui se suit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir, je les invite vraiment à commencer l'écoute des albums depuis le premier. Ça ratatine à peu près tout ce qui se fait d'accord, chez donc, nous. On les trouve où alors pour ceux qui voudraient découvrir? Pas partout, Fnac, iTunes, voilà, partout. iTunes ou sur le net, voilà, c'est un groupe indé. Il faut savoir qu'à l'époque du premier album, il s'était fait... excessivement dragué par les majors à qui ils ont fait un doigt en disant non, on restera indépendant jusqu'au bout. Il faut croire que ça a payé parce que ils ont fait le Ulule de leur nouvel album qui sortira donc en mars 2017 et ils ont battu le record de financement participatif sur le marché de la musique européen. D'accord. Donc en fait, ils ont dépassé les 400 000 euros de financement, ce que certains artistes n'ont même pas. Il y a une justice, tu vois. Finalement, même en musique, c'est la qualité finalement qui gagne. Et c'est les gens qui écoutent qui choisissent. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Stupéflip, qui n'est pas du tout un groupe genre élitiste, pas connu, quoi. Ils sont extrêmement connus. Tout le monde, tous les gens qui s'intéressent un peu au milieu de la musique ont au moins entendu Stupéflip parce qu'ils sont quand même passés pas mal de fois à la radio. Ils ont fait des gros succès aussi par le passé. Tout le monde est déjà tombé sur du Stupéflip. Sauf que, voilà, comme ils veulent pas rentrer, ils ne veulent pas signer avec les majors alors qu'ils sont constamment dragués par les majors, forcément, ils sont moins mis en avant. Et là, ce qui est incroyable, c'est que là, t'as toutes les majors qui voient ça, qui voient, putain, mais 400 000 balles pour un album. 400 000 balles pour un album indépendant, même des albums pro n'ont pas ça, quoi. Et donc, ce qui est génial, c'est que tous ceux qui n'ont pas cru en eux et tous ceux qui croient en eux mais qui n'arrivent pas à leur faire baisser le pantalon, ils sont tous sur les dents, quoi. Ouais, c'est énorme. Pour ceux qui veulent écouter un peu ce qu'ils font, je les invite peut-être à écouter, parce que je trouve que c'est deux musiques qui rassemblent bien, qui représentent bien l'univers de Stupéflip. C'est Stupéflip Vite. Et La Menuiserie, je crois, de tête, qui est les deux premières chansons du dernier album qu'ils ont fait, qui s'appelle Hypnoflip, il me semble. Ouais. Invasion. Donc je les invite à écouter ces deux musiques-là et ils comprendront un peu, je pense, l'univers. Donc tu sais, t'as un peu le syndrome Muse ou Radiohead, je trouve, c'est que des fois, tu te prends une chanson dans la gueule, c'est tellement. Enfin, Muse, à la bonne époque. Pas les derniers J'étais albums. J'étais sûr que t'allais dire ça. Voilà, pas les derniers albums où je les reconnais même plus, quoi. Enfin, C'est, je ne reconnais pas du tout Muse, moi, ces dernières années. D'ailleurs, bon, ça, c'est mon coup de cœur. Et d'ailleurs, du coup, je vais rapidement dériver pour t'amener sur le coup de gueule. Bah, justement, tu as l'y tout trouvé. J'y avais pas du tout pensé. Mon coup de gueule, c'est Muse. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. C'est... J'ai entendu deux chansons qui sont récentes. Là. Il y en a une qu'ils ont sortie pour Halloween. Donc, tu vois, c'est récent. Et une autre que j'avais même pas vu passer, je ne reconnais même pas. Ah, ils ont voulu changer peut-être un peu de style. Non, mais c'est même pas une question de style. Là, c'est carrément une question. Là, c'est de la qualité, quoi. Donc, les harmoniques sont à chier. Les boucles. Donc, moi, je parle en jeu vidéo, mais on va dire que les couplets, avant qu'ils arrivent, je sais pas si t'as déjà fait ça. En musique, bon, moi, ça a tendance à me le faire parce que j'en ai tellement fait. C'est une déformation semi-professionnelle, on va dire. C'est que le couplet arrive, avant qu'il arrive, je l'ai entendu. Tu vois, je vois les routines. Ouais, tu le vois arriver. Peut-être qu'avant, ils étaient plus surprenants dans la structure de leur morceau. C'est plat, les chansons, elles se terminent. Elles n'ont même pas décollé, quoi. Enfin, c'est... Il n'y a pas de montée en puissance, il n'y a pas d'originalité, tu vois tout arriver, tu as l'impression qu'ils s'emmerdent, les lignes de basse. Ils ont peut-être perdu le mojo. Hein. Les lignes de basse qui faisaient... Enfin, c'est vrai qu'ils avaient des lignes de basse de ouf et ça faisait partie vraiment de leur signature. De leur punch, tu vois, de leur signature. Ils avaient des lignes de basse ou des lignes de piano, tu vois, de dingue. Et elles sont... Juste avant qu'on... Cela, on a bien été trop long encore. Je verrai au niveau du montage s'il n'y a pas de 2-3 trucs que je vais raccourcir. Mais, moi, j'ai pris 8 minutes. C'est moi qui. Non, mais. J'ai pris 8 minutes, j'ai compté. Je pense. Non, c'est pas beaucoup. Donc, je pense que c'est moi qui ai été trop long une fois de plus. Je couperai certaines de mes parties. certaines de mes parties. Dans un contexte différent, écoute, ça peut être. C'est toi qui vois. Hein. Ça peut être mal interprété. Non, c'est la suite du podcast. Alors, je suis là pour vous. L'émission d'après, c'est la voix de Chipmunk. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, juste rappeler que on va faire un peu de promo pour ton casse-brique que tu as sorti, qui s'appelle Breaker Infinite. J'ai fait la mise à jour. Là. Voilà, vous pouvez trouver gratos sur iOS et Android. Ouais, et il y a la mise à jour sur Android qui est déjà dispo, mais sur iOS c'est toujours un peu plus long. Donc c'est super marrant, jouez-y. Et je suis super fier parce que la musique est de moi. Donc voilà, si ça et puis elle plaît. Et pour donner envie aux joueurs, ce n'est pas qu'un simple casse-brique, attention. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre de faire des action RPG de 30 heures de jeu comme Final Fantasy 2 et puis faire un casse-brique derrière. Alors faut savoir que je vais poster un article sur le site Storybird expliquant un peu pourquoi il y a des petits jeux qui sortent de temps en temps. Je l'ai fait sur mon temps libre, un peu sur le temps de travail quand il y a des moments de creux dans le développement. C'est un développement, c'est sinusoïdal, hein. C'est jamais du rush constant, il y a des moments où c'est un peu plus calme. Et pendant ces moments de calme, je fais partie de ceux qui ne tiennent pas en place et je suis obligé de faire d'autres projets en parallèle. Des petits projets, donc j'avais fait un petit shoot slash rogue, Striker Go, et du coup j'ai aussi fait Breaker Infinite parce que j'aime bien les casse-briques, j'adore Arkanoid. Pour moi c'est une connotation très japonaise, ce style de jeu. Donc voilà, forcément ça m'attire et je pense qu'il y a des choses à faire dans ce style, et Nintendo l'a bien prouvé avec le casse-brique Kirby sur Game Boy qui est juste incroyable. Ceux qui n'y ont pas joué, je les invite à y jouer. Il est sur 3DS d'ailleurs, il me semble, sur l'eShop. Ouais. Là j'ai ajouté tout un nouveau système. Alors faut savoir que voilà, le casse-brique c'était aussi un casse-brique rogue, c'est-à-dire que c'est un casse-brique qui ne s'arrête jamais, il n'est pas séparé en niveau. Donc voilà, plus t'avances dans le jeu, plus c'est difficile, plus il y a des briques qui apparaissent, il y en a même qui se cassent la gueule en fait ensuite pour te gêner. Et là j'ai ajouté une composante RPG où la balle gagne des XP et les briques gagnent des HP tout au long du jeu, et tu dois donc aussi farmer un peu de la brique pour augmenter la puissance de ta balle, quoi, pour essayer d'aller de plus en plus loin. On a rajouté des univers différents à débloquer. Et plus tu montes de niveau, plus t'as des skins en fait qui se débloquent. T'as une skin un peu rétro qui s'inspire, tu sais, de Pac-Man Championship. Ouais. T'as une skin What the Fuck qui a été faite par Kelly. Et t'as une dernière skin un peu spatiale, ultra rétro, parce que franchement, je voulais en mettre 4 parce que je trouvais que 4 boutons dans le menu, ceux qui testeront le jeu, ils verront. Les 4 boutons en termes de design, je trouvais que voilà, visuellement ça collait bien. Donc c'est complètement arbitraire et manichéen comme choix, mais voilà, la quatrième skin elle est assez classique. Donc voilà, faut. En tout cas, c'est gratuit, donc on vous invite à aller le télécharger. Il faut pas croire que Storybird va faire que des petits jeux comme ça. Non, pas du tout. Je vais bientôt en parler, mais on travaille en parallèle sur des gros projets qu'on n'a pas annoncés et sur Agelos. Voilà. Bah, on en reparlera lors de l'émission prochaine, puisque. Ouais, parce que sur Twitter, il y a des gens qui me demandent si Agelos est annulé, quoi. Ça m'a halluciné, en fait, d'avoir ce genre de questions. Donc j'y répondrai sur le site de Storybird, mais évidemment que non, on dit pas. C'est juste que c'est un gros jeu, quoi. Enfin, donc ça prend du temps. Ok, bah écoute, moi ce que je propose, c'est qu'on passe directement au premier jeu, au vif du sujet, avec je pense que en post-prod, je mettrai des petits jingles sympas. C'est donc le début du Retro Game Battle. Retro Game Battle. On va commencer tout de suite avec l'un des duels les plus, je dirais, passionnants et passionnés. ouais, c'est clair. Moi, un des plus incompréhensibles pour ma part. Mais... Moi aussi. Donc, on va parler d'Aladdin. Aladdin, version Mega Drive versus version Super Nintendo. Ouais. ceux qui me suivent un petit peu savent que j'ai fait une vidéo... Sur la version Mega Drive. Voilà... Quand je faisais des vidéos sur ma chaîne, j'avais une rubrique qui s'appelait « C'est un bon jeu, mais » où je démontais en fait en quelques secondes certains jeux qui sont, d'après moi, un peu trop surcotés. Et au passage, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, pour moi, ça pourrait être carrément des sujets de podcast. « C'est un bon jeu, mais ». Ah ! Je lance un pavé, je te lance la balle, c'est à toi d'y penser, mais pour moi, c'est un bon jeu, mais ça devrait faire office de podcast. Tu vois, celui de Ocarina of Time, je pense que tous les deux, on peut faire 4 heures dessus, hein. Ah, mais tu sais que c'est pas idiot, puis ça me ferait plaisir de récupérer ce concept dont j'étais très fier et que j'ai c'est pas un excellent concept. J'ai pas le temps de continuer. écoute, banco, on en discutera en off, comme on dit. Très très bonne idée. Les gens, faut voir s'ils trouvent ça bien comme idée, tu vois. Mais c'est un bon jeu, même Ocarina of Time. Je t'attends, je te prends quand tu veux, quoi. Enfin, c'est... Attention, battle. Là, ce serait de la grosse battle. Pour moi, il a zéro défaut comme jeu, donc c'est. Oui, alors que pour moi, il en a. Donc c'est très très intéressant. Pour moi, c'est le Mario 64 de l'action RPG, quoi. Donc. Écoute, amis auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. Mais je pense que ça peut donner de bien belles émissions de derrière les fagots. Ouais, on va réfléchir à tout ça. Donc, j'avais fait une vidéo, donc c'est un bon jeu mais Aladdin, où je démontais en fait l'idée. Alors, je dirais pas globale, parce que maintenant il y a beaucoup de voix quand même qui défendent la version Super NES, mais globalement, on n'a pas le droit d'attaquer la version Mega Drive. Alors, ouais, c'est ça, ouais. Avant qu'on me le renvoie dans la tronche, parce qu'on m'a renvoyé ça quand j'avais fait cette vidéo, oui, la version Aladdin a été développée en seulement quelques mois par David Perry. Ils ont réussi à boucler le jeu en un temps record, et ça. Ce qui explique aussi les défauts du jeu, ça, je le comprends aisément. Maintenant... Alors, moi, je vais mettre ma petite pierre de développeur. Alors, vas-y, on commence. Allez, on commence. Voilà, vas-y. J'en ai rien à branler qu'il ait été développé en je ne sais pas combien de temps. Oui, mais j'en ai rien à foutre parce que les joueurs, ils ne prennent pas de pincette. Ils n'ont rien à branler que le jeu ait été fait en quelques mois. Oui, ça n'empêche pas que le jeu final est ce qu'il est. Voilà, le jeu, il est vendu. J'ai acheté, j'ai ma manette en main. Je joue. Moi, je juge ce que j'ai. Bien sûr, okay. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. J'en ai rien à branler de ça. Nous, moi, c'est pareil. Final Fantasy 2, il est sorti bourré de défauts parce qu'on n'avait pas le temps. On n'a pas eu le temps de le terminer quand le jeu est sorti sur PC à l'époque. Il manquait plein de trucs. Moi, je le considérais presque comme une early access, tu vois. Mais avec l'éditeur, les deals, etc., on n'a pas eu le choix. Il fallait le sortir. Enfin, ça t'a arrangé depuis, maintenant, sur... Je comprends. Oui, bien sûr. Voilà, le jeu était mis à jour depuis. Il ressemble à peu près à ce que je voulais. Mais je comprends tout à fait les joueurs qui n'étaient pas contents. Voilà, ce n'est pas leur problème. Ils payent. Tu payes, oui, tu as un produit. Bah surtout le prix des jeux à l'époque. Voilà, tu as un produit dans les mains, j'ai payé pour ce produit. Je juge le produit parce que je l'ai payé. Point, c'est tout. Donc, cette excuse de « oui, il a été fait en quelques mois, etc. », on peut, hop, t'ouvres la poubelle, paf, tu mets dedans. Moi, je ne tiendrai jamais compte de ça. Alors, on rappelle brièvement que, bien sûr... Alors... Ça sert à rien de le rappeler, mais on ne sait jamais si une ou deux personnes qui sortent de leur grotte. Donc, c'est l'adaptation du célèbre dessin animé de Walt Disney. C'est un chef-d'œuvre. Oui, moi, ça reste vraiment un de mes préférés. Ah. D'ailleurs, qui était un peu le début du nouvel ère chez Disney à l'époque. Enfin, bon, on va pas s'aventurer dans ce débat-là. Oui, donc, on sait que l'équipe de David Perry a eu le concours, en fait, des animateurs de Disney pour produire fidèlement... le feeling vraiment qu'on trouvait dans le film d'animation. En face, c'est très connu, on va le rappeler, la version Super Nintendo, donc, qui a été développée par Capcom, parmi les têtes pensantes de la version Super Nintendo, on trouve un certain Shinji Mikami. Ouais, il y a Mikami, ouais. Voilà, donc le futur créateur de co-créateur, dirons-nous, de Resident Evil. Et de Goof Troop, du coup. Ah, mais en fait, c'est pour ça que je me rends compte qu'il a fait deux jeux. Ah, bah bien Disney, sûr. Il était cantonné au début au jeu Disney, et c'est là où ça fait partie de sa légende. Mais c'est vrai qu'on aimait bien dire à l'époque dans les dossiers sur Resident Evil que c'était pas ras-le-bol de faire des jeux Disney, qu'il voulait faire un jeu plus mature avec des zombies. Non, il avait dit que c'était. Non, il a jamais dit ça, Mikami. Non, non, mais. C'est ce qu'on lisait partout à l'époque. C'est le journalisme à la française, quoi. Enfin, avant que. Mais moi, le premier, je croyais ça, parce qu'on l'avait tellement lu. On l'a lu. Et ça faisait partie de la légende, et à un moment donné, à force de 30 ans de quelque chose, t'as l'impression que c'est un fait établi. Sauf que non, effectivement, la création de Resident Evil est beaucoup plus. Détaillé que ça. D'ailleurs, c'est pas pour faire de la pub, parce que ma chaîne YouTube, elle est quasiment abandonnée, parce que j'ai pas le temps d'alimenter. J'avais fait une vidéo sur la création de Resident Evil, donc chez Bruno Lachaîne, allez voir. Je m'étais vraiment bien fait chier à la faire, et là où j'explique vraiment ce qui s'est passé. Donc, bref, revenons à nos moutons, à nos Aladdin. Donc, c'est vrai que c'est un duel qui a vivement opposé les guerres de clochers que moi je détestais et que je déteste toujours entre les partisans de la Super NES et de la Mega Drive. Ah, pour moi, il n'y a pas de duel, quoi. Putain. Alors, disons que on va quand même. Je vais être tranchant, hein. Il n'y en a pas du tout. Non, mais moi aussi, on va déjà se mettre d'accord, je pense, sur les qualités incontestables de la version Mega Drive avant de la descendre. L'animation, point. Alors, l'animation, le style visuel d'Aladin, des personnages qui vraiment extrêmement fidèles au dessin animé. Extrêmement fidèles au dessin animé. Voilà. Voilà, on va passer à autre chose parce que tout le reste je trouve à chier. Level design, jouabilité, game design, effectivement. Musique. Game design, c'est une catastrophe. Je trouve que c'est catastrophique du début jusqu'à la fin. Tu comprends rien, c'est pourri. C'est flottant, ton perso il traverse les plateformes, tu sais pas pourquoi. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a aucun feedback visuel. Il y a des gros problèmes de hitbox, c'est-à-dire que quand tu attaques un ennemi, même si ton sabre, parce qu'il est armé d'un sabre, hein, ce qui correspond pas du tout au personnage du film. Qui est ultra pacifiste dans le dessin animé. Exactement. Il n'y a aucun lien. Tu sais, les niveaux, ils se terminent. Tu tues un ennemi, boum, écran noir d'un coup. Hein, quoi, il s'est oui, voilà. Et, alors, je finis sur l'hitbox. C'est qu'en fait, quand tu attaques un ennemi, parfois le sabre va passer dessus. L'ennemi va avoir aucun hit sur lui. Et parfois, ça va passer. Y compris sur le sprite d'Aladin. Parfois, tu vas perdre des points de vie. Tu vas pas comprendre pourquoi. Et parfois, ça va être l'inverse, sachant qu'entre parenthèses, la jauge de vie, qui est très belle visuellement, tu sais, c'est la lampe avec la petite fumée qui sort. Tu sais jamais ce que t'as comme vie. Fin... Tu sais jamais combien de traits. Mais surtout, effectivement, il y a un gros problème de collision au niveau des plateformes. Ouais. Dans le cachot. Tu sais, le niveau bleuté avec qui reprend la scène du film. Et déjà, bourré de détails graphiques, c'est-à-dire que parfois, tu sais pas trop sur quel plan tu es. Déjà, c'est très fouillis. Et une fois sur deux, tu vois, t'as pas mal de phases où t'as des plateformes qui sortent et qui rentrent du mur. Bon, le grand classique, jeu de plateforme. Et une fois sur deux, même quand la plateforme est... Occidentale, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. Quand la plateforme est sortie, le pied d'Aladin va vraiment poser dessus, mais tu vas tomber quand même. Tu sais pas pourquoi. Il y a des trous. Parfois, tu tombes dans des trous. Tu sais pas comment t'es tombé là. Le jeu est magnifique. Vraiment, graphiquement, il est franchement, il est super beau, quoi. C'est ouf comme il est beau et que ça bouge bien. Ouais, mais il y a aucun lien. Il y a aucune structure. Il y a aucune ligne directrice. Bah, tu vois que c'était fait à l'arrache. Ça se sent. Ça se sent que ça a été rushé. Ça se sent. On dirait une alpha, quoi. On dirait une alpha. Moi, j'ai l'impression de jouer dans des debug rooms, quoi. Oui, mais c'est ça, puisque le jeu a eu un temps de développement très très court. Alors, je ne sais plus combien de semaines de mémoire, mais ça a été vraiment très très court. Ça se ressent parce que c'est il y a pas de jeu, quoi. Et ça se ressent. Et alors il y a pas de jeu, c'est une cartouche avec une série de debug rooms avec des skins différentes, quoi. C'est donc la maniabilité, le level design, les problèmes de collision dont on vient de parler. Il y a aussi un gros souci, c'est que comme je dis souvent, on est très loin des Sword Gym ou de même Cool Spot hein, en termes de level design. Oui, et pourtant, je les trouve à chier. Donc pour rester dans les jeux de David Perry, ouais. Non, mais de toute façon, ouais. Là, on voit que ça a été rushé. Et le truc, c'est que les musiques qui se basent sur les musiques excellentissimes du long métrage, ça, à la base, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que elles sont totalement massacrées avec des échantillons sonores, des orchestrations dégueulasses. Ah ouais. C'est hallucinant comment on peut massacrer une base. En fait, on dirait des parodies. Oui, exactement. C'est des parodies des musiques du film, quoi. Sauf les musiques exclusives composées par Tony Tallarico et l'autre compositeur. Je m'excuse, oui, j'ai oublié le nom parce qu'ils sont deux. Et eh ben, tu sais quoi, moi je l'aime pas non plus. Donc, comme ça. Ah, moi je l'adore. Celle du niveau bonus. Ah, mais par rapport. Va chier cette musique. Ouais. Moi je l'aime bien parce que par rapport aux autres, elle est vachement mieux. Elle est mieux, mais je la trouve nulle. Bon, moi je l'aime bien. Mais en tout cas. En face de ça, donc la version Super NES, effectivement, visuellement, ne ressemble pas du tout, ou par rapport à certains personnages quand même, mais en tout cas, visuellement, on ne retrouve pas la patte du dessin animé. Ouais, on est loin quand même du dessin animé. Ouais. Pourquoi moi ? Alors après, là, il y a une raison. Pourtant, je ressens plus l'ambiance du dessin animé. Voilà, même. On ressent plus l'ambiance. Bon, moi, je trouve que. Parce que par les musiques. On trouve dans la version Super Nintendo la patte graphique Capcom 16 bits, qui est très chère à mon cœur, c'est-à-dire que tu prends les jeux Super Nintendo. Mais qui est cher pour tout le monde. De Capcom. Ça fait partie des plus beaux jeux Super NES. Donc tu prends Magical Quest, d'ailleurs, on va reparler Magical Quest. Ouais. Tu prends Magical Quest, tu prends Super Goose and Ghost, tu prends Demon Crest. C'est le même moteur. Hein. Oui, voilà. Et les autres jeux Capcom de l'époque Super NES ont une patte graphique que je trouve extraordinaire. Donc tu la retrouves dans le jeu. Bah, c'est une patte graphique qui fait très bande d'arcade. C'est et en même temps, je disais, c'est la bande d'arcade à la maison, c'est cela. C'est cela, et en même temps, avec un petit côté, je ne saurais pas comment dire, un petit côté parfois pastel, y compris dans les sombres. J'aurais du mal à décrire ça, mais je trouve que c'est vraiment une patte que tu trouvais que dans ces jeux-là de et Capcom. Tu trouves un peu dans Tekken 3. C'est une technique d'éclairage en pixel art, bref. Bon. Et du coup, il n'y a pas de noir. Et du coup, l'ambiance est meilleure. En fait. Et du coup, l'ambiance, je trouve, est plus belle. Et surtout, c'est l'école japonaise du gameplay de l'époque. Et voilà, c'est ça. Alors, ça, maintenant, c'est très différent parce que maintenant, les jeux occidentaux ont une qualité. Je parle des bons jeux occidentaux. Ont une qualité de gameplay qui est extraordinaire. Mais à l'époque. C'était pas le cas à l'époque. Si on revient à l'époque des consoles 8 et 16 bits, c'est vrai que les Japonais avaient vraiment de l'avance sur le gameplay. Et là, vraiment, c'est l'école du gameplay. Il y a une précision dans les sauts d'Aladin, dans les phases de plateforme. Le level design est beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus intéressant. Alors oui, ça reste quand même linéaire. On n'est pas dans du Goose and Ghost non plus, c'est sûr. Mais non, mais, évidemment. Mais ça reste quand même... Faut pas oublier qu'il fallait s'adresser aussi à un jeune public qui avait adoré le film et en même temps aux plus âgés qui avaient adoré le film aussi. Donc, c'est une sorte de synthèse avec des moments comme des pics de difficulté, parce qu'on rappelle quand même qu'on est dans les années 90. Donc ouais, les jeux super sur un Super NES, putain. Mais la jouabilité, le système de rebond et tout, c'est parfait. Le foulard pour planer, c'est parfait, c'est non, parfait. La finition est autrement plus poussée que la version Mega Drive. Ouais. C'est un vrai platformer. Donc pour moi, l'avantage de la version Mega Drive, c'était quand tu voyais la démo tournée sans le son. Où tu regardais sur les magazines, oui, c'est vrai que là, ils avaient fait très fort, c'est que visuellement, c'était beaucoup plus fidèle au film. Ça, on ne peut pas le nier. C'est un sacré exploit. Ça, on ne peut pas le nier, pardon. Par contre, manette en main, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, donc, disons que la version Super NES, j'ai un jeu structuré, avec du liant, des mises en scène, des vraies transitions entre les niveaux. Il y a une cohérence. Un vrai gameplay. Carré que tu comprends tout de suite et un vrai level design, c'est clair et net, c'est à dire que tu comprends ce qu'il faut faire, tu sais où tu dois aller, les commandes, il n'y a aucun flan, ça flâne pas du tout. Voilà, la jouabilité, si tu perds, c'est de ta faute. C'est... Elle est carrée. C'est une c'était la rigueur à la japonaise de l'époque, quoi. Les bonus sont clairs et t'indiquent exactement ce que va apporter au joueur. Les patterns de boss sont clairs. Il n'y a aucune errance. Ah, les boss. C'est un jeu du début jusqu'à la fin. C'est un jeu. Les boss sur Mega Drive, c'était la cata aussi. Et surtout, c'est maîtrisé du début jusqu'à la fin. Les feedbacks visuels, les feedbacks sonores, la cohérence, le fait que un game designer doit tout de suite faire comprendre aux joueurs, sans trop de difficultés, à quoi sert tel et tel élément, ce qu'ils peuvent faire et tout. Ça, c'est d'une clarté, on va le répéter comme à l'époque, à la japonaise. C'est limpide parce que c'est Capcom et Capcom ils savent faire. Bah, ça. Ils savent. Donc, ils savent. Et David Perry, il sait pas faire parce que je suis désolé. J'ai joué à Sword Gym, j'ai joué à Cool Spot. Franchement, c'est pas clair. Des fois, tu sais, dans Sword Gym, les décors, c'est beau, hein, mais c'est tellement fouillé qu'il y a des endroits où tu sais même pas si tu peux encore marcher, tu sais, parce que t'as des pierres qui passent devant. Mais c'est ça, c'est que moi je suis d'accord avec toi, c'est que je n'ai jamais été fan. J'adore l'idée, j'adore le côté délirant cartoon, mais c'est vrai que pour moi, ce sont des jeux qui sont brouillons. J'aime les univers, mais c'est des jeux d'ados, quoi. C'est des jeux d'adolescents où les règles du jeu n'ont pas trop d'importance. Et, pff, voilà, tu joues comme c'est ça. C'est pas clair, c'est brouillon, parfois. C'est pas pour rien qu'il n'y ait pas beaucoup de speedrun sur ces jeux. C'est parce que c'est trop flottant, quoi. C'est trop flottant, pourtant, c'est des jeux qui sont adulés, hein. Mais moi, je trouve c'est des jeux qui sont adulés, mais voilà, t'as un personnage qui tire, tu vois même pas les balles, tu sais pas où tu tires, alors bon, ça fait un effet de style, visuellement, ça pète, mais tu sais pas ce que tu fais. Non, mais c'est ça, je pense que David Perry, c'est une constante dans les jeux qu'il faisait à l'époque, c'est visuellement, ça pétait. Là, ça, on peut pas retirer ça, ça pétait, et c'est original, enfin, en tout cas... Il y a que ces niveaux bonus dans ces jeux qui sont ultra clairs, tu sais, dans ce que tu dois faire. Ces niveaux bonus, pour moi, c'est le roi des niveaux bonus, quoi, ce mec. Bah, mais ouais, c'est tout, ça. Et le problème, c'est que moi, dans ces jeux, j'adore l'idée. Tu vois, Astral Gym, il y a des séquences qui sont hilarantes, mais c'est englobé dans un gameplay qui est très brouillon. Et je pense que, en fait, David Perry, c'est mon avis, hein, c'est un game designer talentueux, mais qui aurait mérité d'être un peu plus cadré, peut-être par un producteur ou par un autre game designer, j'en sais rien. Exactement ça. En fait, c'est un bon game designer, mais il faut un game director. Ouais, je pense. Pour canaliser un peu sa folie. Et il faut un chef de projet. Ouais, je reprends toujours cet exemple. Bon, après, on va passer au duel suivant. De toute façon, je pense qu'on sera obligé d'enregistrer en deux fois, encore une fois. Je prends toujours l'exemple d'un des game designers que j'adule le plus. Il fait vraiment partie de mes game designers préférés. Tu prends Suda 51, Goichi Suda. Shinji Mikami le dit, quand ils ont bossé sur Killer 7, il a dû à un moment donné le cadrer parce qu'il partait dans tous les sens. C'est un mec, Suda 51, qui est blindé de super idées. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, bon, Mikami... Il faut le recadrer, quoi. Voilà, et Mikami, qui est, bon, je pense qu'il a une réputation d'être assez dur dans le travail, lui a dit, bon, là, non, on fait ça, il faut se cadrer à un moment donné. Et je pense que, tu vois, Goichi Suda, tu lis les interviews... pour lui, Mikami, c'est un maître, et il le remercie à chaque fois de la bienveillance qu'il a eue à son égard, puisque je pense que si Suda a pu continuer à aller aussi loin après dans les jeux qu'il a proposés, bon, il a quand même bénéficié d'expérience de Mikami, et je pense que c'est ça, Perry, il était plein de bonnes idées, mais je pense qu'on l'a pas assez cadré, et que ça partait dans tous les sens. Bon bref, on va passer au duel suivant. Donc, le vainqueur, on est d'accord sur celui-là. Ah, moi, c'est la version Super NES. C'est la version Super NES. Par KO. Hein. C'est dun dun dun. C'est mon point dans ta gueule, quoi. Hein. Nous sommes d'accord. Retro Game Battle. On va parler. Alors là, c'est beaucoup moins tranché. Dans l'ordre, là, du mail que tu m'as envoyé ou... Alors écoute, comme tu veux, sauf si tu veux. Si, on peut les faire dans l'ordre. C'est juste que ça fait deux fois Disney, du coup. Donc, alors non, on va se garder pour plus tard, du coup. On n'a qu'à se mettre au Disney, Warner Bros. On n'a qu'à parler de Tiny Toons. Ah voilà, alors bah, là, pareil, ce sera vraiment moins tranché du tout. Parce que moi, c'est deux jeux que j'adore, mais pour des raisons différentes. Pareil. Donc, on va vous parler d'un âge d'or où Konami faisait un jeu différent par plateforme basé sur une même licence et à chaque fois c'était des tueries sur les deux machines. Donc voilà. On va vous parler des célèbres Tiny Toons, dessins animés exceptionnels produit par Spielberg. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas rediffusé. Je ne sais pas ce qui se passe avec les droits. Je ne comprends. Mais tout ce qui fait partie de l'animation Warner Bros. Universe de l'époque, Tiny Toons, Animaniacs, Freakazooie, toutes ces séries absolument géniales. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ça ne passe plus et ça me rend dingue. Pas. Ça me rend dingue. Bref. Il y a même pas de DVD, quoi. Enfin, c'est. Ça moi, les Tiny Toons, je veux bien acheter les DVD pour mon fils, quoi. Il y a pas de problème. Ah quoi. Ben moi aussi. Moi aussi. Ce sont des trésors absolus. Enfin bref. Non, c'est guère encore, mais en tout cas, je suis obligé de recadrer parce que ce serait bien qu'on fasse un hors-série dessin animé aussi un jour. J'y pense souvent, ça. Ouais. Du coup, Tiny Toons. Donc, arrive sur Mega Drive et Super Nintendo avec deux jeux complètement différents. D'accord ? C'est ça. Un qui s'approche de Mario World, un qui est un mix de Mario World slash Sonic, donc la version Mega Drive. Exactement. Et un qui est plus dans le style arcade, genre je mets ma pièce et je joue, donc qui est la version Super NES. Exactement. Donc, de mémoire, la version Super, parce que faut pas que les gens confondent, parce qu'après il y a eu un deuxième. On parle du vrai premier. Alors, le premier sur Super NES s'appelle Tiny Toons Adventure Buster voilà, Bust Loose. Et sur Mega Drive, il me semble que c'était Tiny Toons Adventure tout court, me semble-t-il. Peut-être, oui. Moi, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Moi, j'ai les deux en cartouche encore. Ah, je les ai aussi, je les ai toujours. D'ailleurs, la version Super NES, c'est celle de l'époque. Oui, voilà, sur Mega Drive, c'est Tiny Toons Adventure, toujours, mais par contre, il y a un sous-titre, et là, c'est Buster Hidden Treasure. Donc, en fait, on a d'un côté la version Super NES, qui est l'un des plus beaux jeux de la machine, hein. Je pense qu'il faut, faut être clair. Et un des plus beaux jeux de l'R16 bit. Hein. Ah oui, oui. C'est-à-dire que c'est un jeu arcade, plateforme, mais énormément arcade. C'est-à-dire que c'est des niveaux qui sont... Oui, c'est un jeu qu'on pourrait trouver sur bande d'arcade. C'est du parkour. C'est du R-Type, version plateforme. Tu sais, c'est un peu comme les side-scrollers et les platformers, tu sais, de l'époque que tu pouvais retrouver en arcade. Genre, Liquid Kids, genre ce que faisait beaucoup Taito. C'est des jeux de plateforme où vraiment, c'est du parkour. Tu peux, à force de t'entraîner, tu peux presque les one crédités ou les faire avec une par seule vie. Par contre, je trouve pas que ça ressemble à ce que faisait Taito. C'est plus... je trouve que c'est une structure plus de jeux d'arcade. Ouais, peut-être Capcom-esque un peu. Peut-être. Plus voilà ce qu'on trouvait chez Capcom et Konami, du coup, en arcade. Avec un zeste de plateforme, ça tourne beaucoup autour de la mécanique du dash qu'a Buster. Donc, c'est avec, si je me souviens, le bouton de tranche. Le bouton R. Voilà. Ouais, où tu fais dasher Buster et en dashant, il peut grimper sur les murs. Il est invincible en fait, quasiment. Il peut traverser les ennemis et ouais, effectivement, il suit la courbe en fait des murs. Enfin, il peut pas traverser les ennemis. Il est invincible si tu ramasses les bonnes options. Parce que quand tu fais un dash, tu peux attaquer les ennemis en mettant vers le bas et là il plonge. Ah oui, tu fais des glissades de rugby un peu. T'as des bonus carottes qui maintiennent le dash aussi. Ouais. Parce que le dash il est limité, il y a une jauge. Par contre, t'as des bonus dans les niveaux qui te fait du constant dash. Un peu comme Epona dans Ocarina of Time, un petit peu, voilà. Enfin, pour faire une comparaison un peu hasardeuse, ouais. Voilà. Et du coup, ce jeu, c'était une démonstration technique. Ouais, les sprites, ils sont immenses. L'action, enfin, t'as des situations différentes par niveau. Ça change tout le temps. Oui, tu commences dans l'école, le deuxième niveau, bon, le train du Far West. Il y a toujours deux phases. Et ça, c'est vrai que c'est très Capcom dans l'esprit. C'est très Goose and Ghost dans l'esprit. C'est que tu as deux phases bien distinctes par niveau. T'as deux ambiances. T'as deux ambiances par niveau, basées sur le même univers. Voilà, basées sur le même univers. Par exemple, le niveau du Far West, le deuxième, on commence pépère dans une sorte de ville voilà, typique du Far West. Et la deuxième partie, c'est sur un train déchaîné avec des rails qui tombent. Enfin bon, Scrolling auto. T'as pas mal de scrolling auto dans le jeu d'ailleurs. Voilà. Et t'as des phases qui se déroulent dans les airs. T'as une phase qui se déroule dans une sorte de palais manoir slash. J'ai envie d'y rejouer. J'ai envie d'y rejouer. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. C'est un des jeux préférés de Kelly au passage. Ah moi, ce jeu, il est complètement ouf. Ça se termine sur une parodie de Star Wars. On vous donnera pas le twist final du jeu, mais qui est hyper rigolo. Les musiques. Bien dans l'esprit du dessin animé. Les musiques sont fantastiques. Bah, de toute façon, ouais. Ça fait partie des plus belles BO, je pense, qu'on a entendu. Le manoir hanté. Oh là avec, tu sais, les chandeliers au premier plan. Ouais. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est beau. Et la musique. En fait, c'est... Et le niveau incroyable du match de football américain aussi, qui a marqué tout le monde. C'est clair. Mais tu sais qu'il est, encore, techniquement, il est plus beau que Castlevania 4. Hein. Ah, mais largement. Il est beaucoup plus avancé que Castlevania 4. En fait, on dirait presque... On dirait une démo technique un peu, ce jeu, quoi. Ah non, mais il est largement plus beau. Castlevania 4, c'est ce qu'on lui avait reproché, bon, qui était sorti bien plus tôt, mais c'est ce qu'on lui avait un peu reproché à l'époque, c'est Castlevania 4, même si maintenant, je trouve que ça fait vraiment partie de son charme, et je l'adore comme ça. Castlevania 4, graphiquement, il était un peu bizarre, quoi. Il était un peu chelou. On dirait un jeu Mega Drive boosté sous vitamine, quoi. Boosté sur Super NES, voilà. Mais voilà, ça reste Castlevania 4 et j'ai beaucoup d'affection pour ce jeu-là aussi. Mais techniquement, Tiny Toons, pour moi, c'est un des plus beaux jeux de l'ère 16 bits. Effectivement, tu le ressors maintenant, mais t'en prends plein les yeux et plein les oreilles, comme je disais, parce que les musiques sont exceptionnelles. Les niveaux bonus... Souviens-toi, qui était... Oui, qui était aléatoire, c'était avec la roue, il y en avait... Alors ça se basait sur la roue de la moralité qu'il y avait dans l'anime Tiny Toons. Sauf que là, tu lançais la roue et c'était une épreuve, il y avait une épreuve qui était liée à chacun des personnages de Tiny Toons. Eh, celle de Squash. Ah, avec Timinet. Ouais, mais celle de Squash. Eh, tu sais quoi, t'as des jeux mobiles maintenant qui se font là-dessus, quoi. Non, mais ce jeu est exceptionnel d'un bout à l'autre. Et donc, vraiment, si vous ne l'avez jamais découvert, vous n'avez pas moyen de vous acheter la cartouche, c'est pas grave, lancez l'émulateur, vous avez notre bénédiction. On sait que c'est pas bien, mais un jeu comme ça, il faut vraiment le découvrir. Et alors, en face, sorti en même temps, sur Mega Drive, t'as un jeu qui est complètement différent et qui, pour moi, représente la synthèse parfaite d'un entre Mario. Sonic et Mario. Entre Sonic et Mario. Et qui, pour moi, alors, c'est mon avis. Défonce pour moi Sonic 3, Sonic et Knuckles. Bah, c'est mon avis après. Hein. Ouais. Ça défonce pour moi les derniers Sonic Mega Drive. Alors attention, j'adore Sonic et Knuckles, mais je préfère le Tiny Toon sur Mega Drive. Hein. Il est génial aussi, hein. Ce Tiny Toon. C'est-à-dire que on a une carte à la Mario World. Je comprends pas pourquoi il est pas plus souvent sorti en référence. Je sais pas. Peut-être parce que c'est un jeu à licence et que c'est la honte de parler de jeu à licence. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il est. C'est vrai que les gens parlent beaucoup plus de la version Super NES. Il est resté un peu dans l'ombre en fait. Et même nous, souviens-toi, moi je me souviens des feelings de l'époque. C'est que on l'a découvert après la version Super NES, la même année, je pense, hein, ou l'année suivante, je sais plus. Et on a été surpris que le jeu soit si bien. Je me souviens avoir été surpris par la qualité du jeu, quoi. Exactement. C'est-à-dire que c'est sûr que visuellement, ça pète pas. Mais ça reste un des plus beaux jeux de la Mega Drive. Il est très beau. Putain, il est magnifique le jeu, quoi. Et surtout, il est. c'est deux offres complètement différentes, mais qui sont. C'est comme si tu me disais tiens, joue à Resident Evil 4, joue à Silent Hill 2. Tu vas adorer les deux alors qu'ils n'ont pas du tout la même approche du genre. C'est deux styles complètement différents de plateforme. Mais qui le font très très bien dans leur genre en fait. Voilà, et putain, mais il est assez exceptionnel. C'est un des meilleurs jeux de plateforme de la console. Il est pour moi, il est dans. Et même de l'ère 16 bits. Même de l'ère 16 bits, hein, oui, voilà, on peut le dire. Et on n'en reparle pas. Alors moi, je lui trouve quand même un défaut. C'est marrant parce que c'est un défaut qui est le strict opposé. D'un autre défaut de la version Super NES, c'est-à-dire que la version Super NES, je le trouve beaucoup trop court. Pour moi, sur Super NES, il manque bien deux niveaux. Moi, c'est mon avis. Hein. Là, moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que justement, ça va vraiment avec la philosophie arcade de l'époque. Ouais, mais pour moi, il manque vraiment. Allez, au minimum, un niveau, un deuxième niveau ça aurait été très bien, peut-être un niveau plus dans un univers. Végétal, tu vois. Pour moi, il manque un niveau. Bref, un ou deux niveaux dans la version Super NES. Et sur la version Mega Drive, pour moi, c'est le contraire. C'est que il est trop long. Je le trouve trop long. J'ai souvenir qu'il est très très long. Ouais. Bon, après, on peut pas lui reprocher d'être généreux. Mais ça peut être un défaut. Et pour moi, c'est un défaut quand même. Tu vois, par exemple, la partie dans la lave, pour ceux qui se souviennent du jeu, je suis désolé, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Alors il faut rappeler pour ceux qui l'ont pas fait qu'il y a une carte à la Mario World, mais la carte est pas du tout aussi interactive que. Non. C'est vraiment un prétexte. Il y a quelques chemins. Il y a des petits chemins. Il y a des petits itinéraires, mais par contre bon, on va d'un niveau comme ça l'un à l'autre. Plus Mario 3. Oui. Ça fait un peu Mario 3, on va dire. Exactement, ouais. Mais avec un visuel qui veut rappeler un petit peu Mario World quand même. C'est ça, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que les niveaux sont beaucoup plus longs, donc c'est vraiment comme un Mario ou comme un Sonic. On peut dasher parce que vraiment tout est basé sur la rapidité, mais on peut en explorant trouver plein de bonus cachés partout. Et voilà, on retrouve par contre les mêmes qualités que la version Super Nintendo, c'est-à-dire une BO fantastique. Ah ouais, fantastique, putain. Avec des musiques vraiment cultes, quoi. Comme quoi la Mega Drive pouvait sortir quand même des... C'est ce que je dis souvent, c'est que la Mega Drive, si les compositeurs voulaient se sortir les doigts du cul, ils pouvaient vraiment faire des trucs superbes. Ouais. Et ça demandait du travail, forcément. Voilà. Il y a des situations donc, de gameplay qui sont sans cesse renouvelées. Il y a un humour qui est là aussi, on ne l'a pas dit aussi pour la version Super NES, mais il y a vraiment un humour à l'image de la série qui est toujours présent. Et d'ailleurs, dans la version Mega Drive, quand tu dashes, la première fois que tu te prends les pieds sur une canette qui est plantée par terre, c'est hyper tordant, ça marche toujours. Le level design est vraiment fabuleux. Moi, comme je le répète et j'assume, ça défonce les derniers Sonic sur Mega Drive. Ouais, et en plus, les niveaux, ils sont grands, quoi. Les niveaux sont grands, c'est fluide dans toutes circonstances. Ils sont pas vides, quoi. Il y a plein de trucs à voir. Plein de passages secrets. Ça grouille de vie partout, c'est animé dans les décors. C'est Konami, quoi. Voilà, c'est blindé. Bah, de toute façon... C'est vraiment un bon jeu Konami, comme ce qu'on aime... C'est l'âge d'or du jeu d'action made in Konami, quoi. Enfin, du jeu d'action. Ils avaient des putains de game designers, des putains de level designers à cette époque. En fait, c'était des Dream Team, puisque que ce soit sur la version Super NES ou Mega Drive, techniquement, ça tenait. Enfin, ça faisait vraiment partie du haut du panier. Et puis, en termes de game design et de level design, c'était du caviar, quoi. Donc, c'est clair. Alors maintenant, le tout est de savoir. Lequel on préfère? Alors ça... Ah oh putain, c'est dur. C'est dur, parce que vraiment, de manière... Ne pas être pacifiste et faire ex-aequo, parce que... Bah, de manière totalement pragmatique, les deux sont aussi bons. Maintenant... C'est le choix du cœur. Je donnerais un petit pourcent de plus à la version Super NES. Moi aussi, ouais. Par rapport à la claque visuelle que ça a été à l'époque. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que ça nous a marqué quand même. Hein. Graphiquement, tu te rappelles les screenshots qu'il y avait genre dans console plus tout ça, enfin à l'époque on disait on dirait une borne d'arcade, tu sais, même à l'école on disait ça, tu vois, c'était vraiment genre c'était la phrase qui tue, tu vois. Mais genre, tu dis putain, on dirait une borne d'arcade, c'était que le jeu il était ouf, quoi. Mais par rapport au jeu 2D qu'il y avait en arcade à l'époque, il est vraiment pas ridicule, quoi. Ah non, c'est clair. Tu pourrais le voir tourner sur une borne, tu serais pas choqué, quoi. Non, enfin, c'est vraiment, clair, il était même beaucoup plus beau que pas mal de bornes d'arcade. Donc peut-être lui donner un. Je le fais gagner, mais vraiment d'un. On va dire d'un petit cheveu, ce duel, pour le côté. Claque dans la gueule quand on l'a lancé. Ouais. Parce que la musique et les graphismes. Voilà, la version Mega Drive est très très belle aussi, mais c'est vrai que visuellement, la version Super NES met une plus grosse claque. Ça aurait été un jeu Super NES assez basique, graphiquement. Tu vois, assez classique, donc pas trop d'effets, bon voilà, une bonne palette de couleurs, des animations plutôt, tu sais, hachées, comme ce qu'on voyait beaucoup finalement hein, sur. Sur Super NES, ouais. Franchement, là, pour moi, ça aurait été ex-aequo. Malheureusement, là, il se retrouve avec un des plus beaux jeux de la console, quoi. C'est un... Putain, mais l'équipe artistique du jeu, mais ils ont mis le paquet sur le jeu. Et le truc, c'est au service, parce que c'est pas que ça, c'est pas juste de la beauté purement graphique, c'est que c'est la mise en scène. Cette beauté graphique sert une mise en scène. C'est aussi OLD. Tu vois que... Après, je termine juste, ouais, après, vas-y. Je te laisse, mais... Chaque niveau, chaque portion de niveau, tu sens qu'ils ont vraiment fait exprès de balancer une scène qui t'en fout plein la gueule. Un peu comme un blockbuster avant l'heure, tu vois. Pas comme c'est tout à la fin avec les vaisseaux là, de genre la Star Wars qui te tire dessus et tu dois te protéger avec les décors qui sont en premier plan. Exactement. C'est t'as des éléments en arrière-plan qui t'arrivent dans la gueule avec, tu sais, voilà, tous les effets de rotation et de zoom et tout. Et ça, sans la technique. Bah, c'était pas possible. C'était pas possible. En plus, ça joue avec la gravité sur la fin. Oui. Tu peux changer la gravité aussi. C'est super beau en plus. Tu renvoies des gros missiles à coups de patte de lapin aussi. C'est hyper nerveux. Et même les niveaux précédents, je reviens là-dessus, mais le niveau du train du Far West, ouais. C'est haletant quand il est il a toute berzingue que les rails se détruisent. Au fur et à mesure qu'il faut pas louper tes sauts, qu'entre temps tu sautes sur des bouts de montagne, que tu atterris sur le train, enfin c'est du Uncharted version plateforme tout NES, c'est sensationnel quoi. Et en fait c'est et ça qui fonctionne et qui est jouable et qui est beau et qui est jouable, super bien level designé, c'est fluide, sachant qu'on savait que la Super NES, quand il y a trop de sprites parfois sur certains jeux, ça la met en difficulté. Là, elle ralentit jamais le jeu. J'ai mémoire, alors de mémoire, il n'y avait pas de ramage. Après, bon, peut-être qu'on nous contredira, mais pas de framerate. Donc on va dire d'un petit poil la version Super NES. Ouais, de pas beaucoup. Hein. C'était vraiment pour ce duel-là. Retro Game Battle. Donc on reste sur les 16 bits. Hein. Ouais. On va parler de parce que je pense que voilà sur ces jeux-là, mon avis, peu de gens savent vraiment ce qui s'est passé. Ouais. On va parler de Turrican 3, Mega Turrican. Donc Turrican 3 sur Amiga et Mega Turrican qui est Turrican 3, mais sur Mega Drive. Mais en disant ça, on dit une sorte de mensonge. Je vais juste reposer le contexte, c'est que donc ceux qui ont eu un Amiga, je pense comme nous, idolâtrent de manière extrême Turrican 1 et 2, donc ouais. Sur Amiga, qui bon pour moi ça reste mon run and gun préféré. Hein. Enfin Turrican 1 et 2, ça reste mes run and gun préférés, c'est tout à fait personnel, mais bon, sont des jeux... pas le 1, mais ouais le 2, il en fait partie. Ce sont vraiment deux jeux absolument exceptionnels, ouais, d'ambiance. De level design, où là, en gros, on mélange Metroid, Contra et Mario. Donc voilà, ouais. Pour grosso modo vous donner un peu le truc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de passer dans le duel à proprement parler, très très très rapidement, hein, je vais pas vous faire l'historique, ça pourrait faire une émission. En fait, quand Turrican 2 est sorti, l'équipe voulait bifurquer sur console. Arrêter de faire du Turrican sur micro. Ouais. Parce que c'est là que les ventes devenaient de plus en plus fortes. Et pour eux, ça faisait sens, quoi, voilà. Bah, oui, donc, ont été lancés Super Turrican sur Super Nintendo et Mega Turrican sur Mega Drive. On va pas revenir sur Super Turrican, qui est beaucoup plus arcade et qui est moins vaste au niveau du level design. C'est l'interprétation arcade. Voilà, ouais, beaucoup plus serré, voilà, que les voilà. Épisodes. Ça répète une bande d'arcade. Que les deux premiers. Ouais. Mega Turrican, Turrican 3, donc, poursuit un peu l'école de level design et de game design des deux premiers. C'est ça. Sauf que il faut savoir en fait que beaucoup de gens pensent que Mega Turrican, c'est une adaptation de Turrican 3 sur Mega Drive. Alors que c'est l'inverse, non ? Alors que c'est l'inverse. En fait, ouais. le projet lead, le projet principal, c'est Mega Turrican. C'est ça. Mega Turrican, c'est la vraie suite de Turrican 2. Qui a été développé spécifiquement pour la Mega Drive. Pour la Mega Drive, ouais. Voilà. Sachant que la communauté de fans Amiga réclamait, ce qui est normal, un troisième épisode, ce qui n'était pas du tout prévu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as le studio. Comment s'appelait ce studio ? Keiko, K-A-I-K-O, qui avait sorti GMX et Apidia. Ouais. Sur Amiga, en fait, qui s'est proposé, qui a même fait un bon forcing pour dire on va développer, nous on va le faire Turrican 3 sur Amiga parce que la communauté l'attend. Et donc, du ouais. coup, ils ont fait une adaptation. Ouais, ils ont fait un portage quoi. Ils ont fait un portage de Mega Turrican sur Amiga. Ouais. Donc, mais ce qui a mis la confusion en fait dans la tête des fans, des joueurs, c'est que la version Amiga est sortie avant. Elle est sortie en 93 et Mega Turrican, de mémoire, il est sorti en 94. Ouais, donc ça a foutu le bordel. Donc, ce qui est normal, quand t'es pas trop renseigné à l'époque et avant que les langues se délient, bah tu te dis, Mega Turrican, c'est une adaptation. Bah oui, forcément. Du jeu Amiga. Alors que non, Mega Turrican a été développé avant et c'est la lead version. Et c'est pour ça, je pense qu'on sera d'accord, que la version Mega Drive. Moi, pour moi, elle est mieux. Surpasse en tout point la version Amiga. Ce qui a été un choc à l'époque, puisque musicalement, l'Amiga, on le sait, ne peut pas rivaliser avec l'Amiga. La Mega Drive, pardon. Tu viens de dire quoi ? Oui, non, pardon. Alors qu'on sait très bien que la Mega Drive ne peut pas rivaliser au niveau sonore. Oui. C'est... Avec l'Amiga, c'est impossible. Voilà. Des fois, même la Super NES a du mal avec l'Amiga. Donc, alors, la Mega toutes Drive, les adaptations de jeux Amiga sur Mega Drive ont été massacrées musicalement. Ouais, de fait, hein, voilà. Ouais. Et là, bizarrement, sur Amiga, les musiques de... Je sais pas ce que t'en penses, de Turrican 3... Elles moi, je les préfère sur Mega Drive. Hein. Voilà, elles ont des échantillons sonores complètement ratés par rapport aux musiques exceptionnelles qu'on a eues sur les deux premiers épisodes. Donc, Cynic Rhesus Beck, hein, vraiment... C'est incompréhensible. Un compositeur vraiment qu'on aime d'amour. La version Amiga, moi, je la vois vraiment comme une anomalie. Quoi. C'est une version rabais. On voit que c'est une adaptation mal torchée. De Mega Même Turian. Les décors sont moins beaux. La jouabilité, elle est... Elle est galère, alors que putain, normalement, ça fait partie des trucs. Alors pourquoi que les Turrican sont exceptionnels, c'est qu'ils ont des jouabilités, mais d'une précision. C'est à la japonaise. À la japonaise. Ouais, c'est à la japonaise. Voilà, mais pourquoi ça. Parce que Mega Turrican était prévu pour les trois boutons de la manette Mega Drive. Bah oui, alors que comment tu peux faire tout le système de. Et il y a un grappin. Voilà, il y a un grappin dans Mega Turrican. C'était une nouveauté de gameplay. Et ça prenait tout son sens sur le... Déjà, sur Mega Drive, c'était... Déjà, sur Mega Drive, bon, il fallait quand même un peu d'entraînement pour bien le maîtriser. Mais c'est normal. Mais sur Amiga, c'est vrai que c'était très, très dur. Je rebondis juste sur les décors. C'est même pas que les décors étaient moins beaux. Ils étaient moins beaux, certes, mais il y en avait carrément qui n'existaient pas. Des fois, sur Amiga, t'as des fonds juste de couleurs ou de dégradés, alors que sur Mega Drive, t'as vraiment des décors beaucoup plus étudiés, quoi. Là, ça va être rapide. Franchement, il y a pas de combat, quoi. Il y a pas de match. Il y a pas de match. Il y a pas de match. C'est désolant, mais bon, c'est comme ça. Les possesseurs d'Amiga se retrouvaient avec un Turrican 3 un peu moisi, quoi. Ah, bah, je sais qu'à l'époque, je l'ai vraiment vécu comme une injustice. Ouais, c'est clair. Parce que on ne savait pas ce qui s'était passé. Voilà. C'était vécu comme une injustice. Et même si, en fait, pour les gros fans. Que nous sommes, il faut se rappeler qu'à la fin du générique de Turrican 2, donc qui est l'apogée hein, de la série sur Amiga, dans le générique de fin, les développeurs te disent « On vous donne rendez-vous sur Super Nintendo et Mega Drive ». Ils le disent dans le texte de fin, ça je m'en rappelle très bien, ça m'avait marqué. Et donc du coup, même avec ça, bon, tu te dis « Tiens, c'est bizarre, il sort quand même Turrican 3, il sort avant sur Amiga », donc tu te dis « Tiens, ils ont peut-être, voilà, ils sont peut-être dit, on va quand même le faire sur... » Et sans voir, je sais pas le souvenir que t'as de ça, Julien, mais sans voir la version Mega Drive, à l'époque, quand Turrican 3 est arrivé sur Amiga, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ces décors ? Puis déjà, commencer dans un niveau comme ça, qui ressemble à un deuxième niveau, tu sais. Oui, on dirait le deuxième niveau high-tech. Parce qu'en fait, sur Amiga, t'as des vieux tuyaux derrière. Des vieux tuyaux tout pourris. T'as pas un décor comme sur Mega Drive détaillé. T'sais, oui, avec des aliens vraiment, et... Tu vois que t'es dans une base. Voilà, exactement. Et là, sur Amiga, tu ne comprends même pas que tu es dans une base. Et puis là, le personnage, il court et tu te dis, mais pourquoi l'animation, elle est en 4 frames quand il court, alors qu'elle est en 32 sur Amiga, normalement. Tu sais, dans Turrican 2, quand le perso, il court, la dîme laisse tomber, quoi. Je crois qu'il y a 24 frames. Même dans le 1. Ouais, même le 1, c'est la même. c'est le même sprite. Voilà. Et là, dans le 3, bon, après, par rapport à la Mega Drive, tu comprends. Il y a moins de frames parce que t'as vu dans Turrican 3, t'as vu tout ce qu'il y a à l'écran. T'as un ennemi, il explose, t'as 30 explosions quoi. C'est qu'à part à l'écran, le feedback des ennemis. Tu sens qu'à la base, c'était pas optimisé pour l'Amiga quoi. Non, c'est optimisé pour la console donc avec moins de mémoire et ils ont mis le paquet sur plus la taille des monstres et les feedbacks en fait. C'est que dans les Turrican, attention, c'est pas une critique, mais dans Turrican 2, quand tu tues un ennemi, bon voilà, il explose. Basta, tu vois, c'est comme quand tu sautes sur une tortue dans Mario, t'as pas spécialement un feedback, c'est pas percutant, tu vois. Alors que quand tu joues à Turrican 3, quand tu tues un monstre, oui, il y a beaucoup d'effets pyrotechniques. Il y a beaucoup d'effets pyrotechniques. C'est comme dans Contra, vas-y, t'as l'écran qui tremble, t'as des particules partout, tu sens que même ton tir de base, il est très fort, il est très puissant. Exact, et en fait, ils ont mis le paquet là-dessus. Exact. Parce que c'est resserré, il y a moins d'exploration dans le 3. Et c'est un game design, un level design beaucoup plus resserré. D'ailleurs, des 3, c'est celui que j'aime le moins, moi. Mais bon. Ouais, moi, je le préfère au 1. Je préfère le 3 au 1 par rapport à son level design, si je compte pas le deuxième niveau de Turrican 1. Parce que le deuxième niveau de Turrican 1 est un exemple de level design, même. Ah, mais moi, alors là, par contre, tu vois. Dans le jeu vidéo en général, quoi. Oui, mais alors, ça, c'est pas moi qui vais contredire. Mais par contre, moi, tous les niveaux, je préfère ceux du 1. Je les trouve beaucoup plus intéressants à visiter. À part le niveau Alien, voilà, du 1. dans le 1, j'aime beaucoup le niveau 1 et 2, quoi. Les deux premiers niveaux. J'adore dans le 1 la phase shoot et la base. L'ascension à la fin avec tous les petits blocs. Non, enfin, ça m'a marqué, ça aussi. Dans le troisième niveau du 1, quand tu montes, t'as le niveau shoot. Donc je l'aime pas, le niveau shoot du 1. Alors, moi, je l'adore. Ouais. Ah, bien sûr, celui du 2 est mille fois mieux, mais il est tellement mythique. Mais j'adore le niveau shoot. C'est un jeu dans le jeu. Exactement. Mais j'adore le niveau shoot quand même du 1, et j'adore cette phase où tu montes. Après, t'as la base, qui pour moi a un level design fabuleux. Super. Et puis après, tu redescends. Moi, franchement. À part le niveau alien du 1, pour moi le 1, après c'est mon avis, hein, au niveau level design, défonce Turrican 3. Mais alors vraiment, parce que moi Turrican 1, je le mets vraiment en dessous le 2. Mais pour moi, il n'y a pas grand chose qui les sépare. Hein. J'adore le 1 aussi. Je préfère le 2, bien sûr. Oui, le 2, c'est le meilleur ad vitam aeternam. Le 2 est parfait. Le 2 est parfait. Mais le 1, il est en dessous, mais je l'aime presque autant, on va dire. Voilà. Turrican 2, c'est vraiment Mario World. C'est le Mario World du run and gun, quoi. C'est pour ça que c'est mon run and gun préféré. Turrican 2, pour moi, il est. Pour moi, alors je parle de mes goûts personnels, c'est mon run and gun préféré depuis toujours. Hein, vraiment. Il est incroyable, ce jeu, hein, quand même. Hein. Tu sais que c'est. Putain, tu le ressors maintenant, tu vois le level design, le nombre de secrets, le rythme, les musiques. Ce jeu il est incroyable, quoi. Je ne comprends pas qu'il soit pas disponible sur tous les stores. Enfin, c'est une injustice. Il y a un flou autour des droits. Oui, bien sûr. Non, mais maintenant, ce serait tout à fait. Après, c'est des histoires de droits, mais ce serait tout à fait envisageable de le trouver sur un store, tu vois. Sur Steam, tu vois. Le jeu, il sort sur Steam. Laisse tomber, quoi. C'est. Ah bah moi, je le rachète tout de suite. Hein. C'est clair. Sans hésitation. Puis là, à mon avis, il a la note max. Hein. Donc. C'est dommage. Le match, il n'y a pas de match en fait. Il n'y a pas de match, hein. C'est Mega Drive. pour une fois qu'il y a deux versions, une version Amiga d'un jeu et une version Mega Drive, parce que tu as beaucoup de jeux Amiga sur Mega Drive, pour une fois que c'est la version Mega Drive qui est mieux. Pas pour une fois, parce que justement on en reparlera plus tard dans l'émission. Il y a aussi un autre jeu qui est mieux sur Mega Drive. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, puisqu'en général c'était vraiment l'inverse. La plupart des gros hits Amiga, quand ils se retrouvaient sur Mega Drive, bon, déjà au niveau sonore c'était la grosse déception. Parfois les couleurs étaient plus ternes, t'avais pas cet effet vraiment limite où t'as l'impression que sur Amiga c'était presque de la HD de l'époque. C'est pour ça que je dis ça, c'est que généralement, les versions Amiga étaient mieux, quoi. Donc, Et donc il y a un autre jeu dont on parlera plus tard, un jeu de plateforme aussi. Que j'aime énormément et pour moi qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Voilà, tu vois lequel jeu. Complètement d'accord aussi. On va passer au prochain duel. Retro Game Battle. Donc là, on va aller sur les terres des 32 bits avec un duel qui a pas mal animé les partisans de la PlayStation et de la Saturn à l'époque. On va parler de Final Fantasy VII et Grandia. Juste pour rappeler qu'en fait, Final Fantasy VII, tout le monde sait l'impact qu'il a eu sur le marché mondial au niveau du RPG, la démocratisation du RPG, le plus grand succès de la série. On le connaît tous. Par contre, démocratisation du RPG en Occident. Je voulais parler du marché occidental. Même si c'est pas le premier à avoir été traduit, contrairement à ce qu'on lit souvent, a été traduit aux US. C'est vrai que c'est celui vraiment qui a tout débloqué. Par contre, ça a été le premier Final Fantasy à être traduit officiellement. En Europe, En français. Contrairement à ce que dit Gameblog et plein d'autres magazines. ce qui est important de souligner, c'est que c'est vraiment l'un des jeux, en tout cas c'est même le jeu qui au Japon a fait gagner la PlayStation face à la Saturn. C'est vraiment le jeu qui a fait vraiment décoller la PlayStation et qui a enterré cette pauvre Saturn. La Saturn voulait son grand RPG aussi. Grandia n'est pas sorti en même temps que FF7, il est sorti un petit peu après. Alors, je sais plus si c'est une petite année après ou je crois que. Limite un ou deux ans, hein, je sais plus. C'est 97 Grandia, il me semble. C'est quelques mois alors, parce qu'il est sorti. Grandia, il est sorti au Japon donc le 18 décembre décembre. Décembre 97. FF7, c'est fin 96 au Japon. Oui, peut-être. Donc c'est voilà, donc c'est une petite année en fait. Donc ouais, une petite année. Ouais. Okay. Contrairement à ce qu'on a pu lire dans le hors-série Dreamcast de JV Le Mag, donc Grandia, ce n'est pas un grand RPG PlayStation, puisque effectivement, il a été adapté sur PlayStation longtemps après. Enfin, suite aux ventes décevantes, quoi. Hein, sur Saturn. Voilà, il est sorti, je crois, un an et demi après sur PlayStation. C'est une excellente version. De mémoire, les couleurs étaient même un petit peu plus belles sur PlayStation. Mais avant tout, Grandia, c'est surtout un jeu donc signé Game Arts, hein, on le rappelle, Lunar, ouais, etc. C'est un jeu Saturn à la base, et c'est un jeu très emblématique de la Saturn. Il est vraiment tagué dans sa chair Saturn, puisqu'il était là, en fait, pour prouver que la Saturn pouvait avoir aussi son grand RPG. Et d'ailleurs, la presse, à l'époque, ne se gênait pas pour le nommer Final Fantasy VII de la Saturn. Bien sûr. Il était mis en opposition. On se retrouve avec la même configuration que Sonic et Mario, c'est exactement pareil. Ah, c'était ça. On fait Sonic pour répondre à Mario, on fait Grandia pour répondre à Final Fantasy, et de lire des choses aussi affligeantes, désolantes, enfin, je suis désolé pour eux vraiment, mais putain, moi je serais en PLS à poil sous une douche d'eau froide si j'avais écrit un truc pareil, quoi. Faut pas écrire dans des magazines de jeux quand tu dis des trucs pareils, c'est pas possible, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que ce duel avait sa place dans ce spécial oui. Retro Game Battle, puisque c'est vraiment un duel emblématique en fait des années 90. Et je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais je trouve que c'était un duel de magazine, hein, dans les magazines, mais parce que moi à l'école personne n'en parlait, hein. Non mais complètement, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le mettre en fait dans l'émission. C'est que le but de cette émission spéciale, c'est qu'on parle des duels, on va dire, qui coulent de source et qui étaient légitimes, et d'autres qui ont été complètement construits par la presse. Par la presse et les joueurs aussi. Mmh. Mais bon, c'est vrai que c'est la presse qui donnait cette impulsion-là. Ceux qui donnaient le là. Mais original, voilà, ils donnaient le là-dessus. Ouais. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus confidentiel que, je sais pas, genre Mortal Kombat, Super NES et Mega Drive. Là, les gens en parlent à l'école, tu vois, le genre de truc. Mais ceci dit, Grandia. Ceci dit, c'était vraiment aussi l'intention de Sega et de Game Arts, c'était vraiment d'offrir. RPG. Alors, en termes d'aura, en termes d'impact, c'est sûr qu'on est. C'est le jour et la nuit. Voilà, donc toi, Grandia, tu l'as découvert quand? Parce que moi, personnellement, de toute façon, bon, à l'époque, on jouait au même jeu sur les mêmes consoles. C'est vrai qu'on n'a pas eu de Saturn sur le moment. Enfin, moi, j'en ai eu une après. Une fois qu'elle était déjà bien. Elle était déjà rétro. En fait, je l'ai découvert sur cette Saturn-là. Hein, je l'avais acheté. Donc, Moi, j'ai découvert sur la version PlayStation, moi, personnellement. D'accord. Sur cette version Saturn, et je sais plus si j'y vais tout seul à ce moment-là, mais il était buggé, moi, le jeu. Sur Saturn? Ouais, en fait, je pouvais pas, je crois, il buguait, mais genre, tu sais, je l'avais acheté sur eBay par un vendeur espagnol, c'est un mec chez qui j'ai acheté plein de jeux, j'avais acheté le Shinobi aussi, tu te souviens, le Shinobi Den, je crois, ça fait oui, avec oui. des acteurs, là, avec oui, des cutscenes oui, et tout. Oui, oui. Bon, j'avais acheté Radiant... En fait, j'ai acheté plein de jeux, quoi, parce que ça revenait moins cher, même avec les frais de douane. Et ah j'avais oui, c'est vrai Grandia. Que t'avais pris une Saturn à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais pris Grandia aussi. Malheureusement, le jeu était complètement buggé. On va peut-être rappeler vite fait quand même le principe de Grandia pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est-à-dire que c'est un RPG qui a une ambiance un peu plus, en tout cas en apparence, bon enfant qu'FF7, qui a un look beaucoup plus animé. Ouais, je trouve que ça fait Nadia le secret de l'eau bleue, moi. Ah, mais c'est exactement ça. Mais de toute façon, le chara-designer, c'est pas le... Je sais pas, ça se trouve... C'est celui de Lunar, ça, c'est sûr. Hein. Ah oui, oui, ça, c'est clair. Et donc... Ah, mais c'est peut-être lui, alors. Mais oui, il me semble. Hein. Alors... Comment il s'appelle? On s'en fout, c'est pas grave. Non, mais c'est important. Mais par contre, ouais, effectivement, alors, on s'excusera auprès de nos auditeurs. Là, le nom m'échappe totalement. Toshiro Crayon. Toshiro Crayon. par contre, il y a un compositeur qui est quand même assez connu, en tout cas dans le milieu du RPG. C'est Iwadare. Ouais. Niroyuki Iwadare. Les musiques sont excellentes. Hein. Excellentes. Et en fait, alors, bizarrement... Moi, c'est le thème de combat que j'aime pas tellement. En fait, il y en a deux. Parce que comme toi, après, moi, je l'ai fait sur PS. Je l'ai fait sur Play, et par contre sur Play je suis allé très loin. Je me suis arrêté, je sais plus pourquoi, sûrement comme d'habitude, parce que j'ai dû commencer un autre jeu qui me plaisait beaucoup plus. Et du coup, j'y suis jamais retourné, parce que je me souviens qu'il y avait énormément de loading sur... Alors, moi, voilà, je fais partie de ceux à qui les loadings me font sortir complètement des jeux, quoi. C'est... Moi, les loadings, je peux pas, quoi. Le seul jeu où j'ai vraiment... où j'ai été tolérant au niveau des loadings, c'est Shenmue, quoi. Tout le reste, s'il y a trop de loading, au bout je me rappelle plus des loadings. Il y en avait beaucoup avant et après les combats. Parce que plein, comme Xenogears, tu sais, c'est même pire. Il faut juste qu'on continue de rappeler le principe, c'est que c'est un RPG donc en 3D. Par contre, avec une caméra libre, si je me souviens, et des sprites en 2D. Ouais, c'est vraiment comme Xenogears. Hein. C'est des sprites 2D. Et l'ambiance est très bon enfant. Ce qu'on dit, on incarne des gosses en fait, hein. Mais par contre après, ouais. C'est vrai qu'il y a un côté très Nadia, même au niveau des ennemis, et après ouais. on découvre un côté beaucoup plus sombre au niveau du récit. Rapidement par rapport à ce que tu disais sur les musiques, donc voilà, pour finir, il y a deux musiques, hein, de combat. Il y en a une dans la première partie du jeu qui est effectivement un peu bon. Oui, je me souviens qu'après il y a une version un peu remixée, non, elle est pas ouf, mais la seconde elle est excellente. Elle est excellente, la seconde musique de combat. Elle est vachement plus entraînante, c'est plus épique. Ça a rien à voir, quoi. Ça a rien à voir. Mais moi, je préfère. Alors, ces petites parenthèses, c'est que là, je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que moi, j'ai préféré Grandia 2 sur Dreamcast, largement. Qui pourtant est beaucoup plus en ligne droite, qui est beaucoup plus linéaire. Mais j'ai préféré les personnages et puis les musiques. La musique des combats de Grandia 2 est vraiment une des meilleures jamais entendues. Bon, ça, c'était pour la petite parenthèse. Et du coup. Bon, alors FF7, on sait qu'il est de bon ton, alors j'espère un peu moins en 2016, mais parfois je l'entends encore sur des podcasts et ça m'énerve un peu, tout ça par rapport au succès absolument titanesque qu'il a eu, il est toujours de bon ton de faire c'est un peu d'FF7 hein. Bashing. Oui, ouais, c'est 10 millions d'exemplaires je crois, de quoi, c'est le record pour un FF il me semble. Mais au Japon, je sais que FF8 avait fait plus fort. Mais mondialement, je pense que FF7 doit être effectivement en tête de liste. Alors, c'est vrai qu'en termes de scénar, de personnages, de gameplay, je préfère vraiment FF7. Par contre, ce qui est intéressant dans Grandia, c'est qu'ils ont un système de combat, si tu te souviens, qui était hyper intéressant. Alors, je préfère... La dynamique, où tu peux contrer les personnages avec la timeline. Alors voilà, avec la timeline, avec la jauge, où tu vois la progression de... donc des icônes, on rappelle brièvement aux auditeurs, on a une jauge donc dans le 1, je crois que c'est en bas à droite, si je dis pas de bêtises, dans Grandia 1. Ah la vache, je sais plus du tout. Si, c'est en bas à droite, ouais, ça je suis sûr. Donc on a des icônes qui représentent les ennemis et les persos de son équipe, et ouais. On les voit progresser, et après, dès qu'ils arrivent sur un curseur, c'est à ce moment-là que l'ennemi va faire. L'ennemi ou le personnage va pouvoir agir ou l'ennemi va attaquer. Donc je sais pas si je suis très clair. En fait, c'est simple. Il y a une timeline, ok, qui commence à gauche et qui termine à droite. Chaque personnage, au début d'un tour, quand ils ont terminé un tour, ils retournent tout à gauche de la timeline, ok. Voilà, donc, au début, c'est ça. Selon le speed, la stat de speed du personnage, l'icône du personnage va se déplacer donc de gauche à droite sur la timeline et va se déplacer plus ou moins rapidement selon son level. Bon, sur cette timeline, il y a tous les personnages de ton équipe, mais il y a aussi les ennemis. Or, quand un personnage arrive tout à droite, il va exécuter l'action que le joueur aura choisie pour ce personnage. Bon, pour l'ennemi, quand il arrive tout à droite, il fait son attaque, voilà, comme dans un RPG traditionnel, c'est-à-dire que ça prend au hasard dans un set d'attaques que les développeurs ont... Enfin, d'action que les développeurs ont déterminé, ouais, bien évidemment. Ouais. Bon, si toi, t'arrives à bout de la timeline avant d'un ennemi et que t'es plutôt proche sur le terrain, parce que les personnages se déplacent sur le terrain, il y a une petite IA qui les déplace selon ce que tu choisis. C'est-à-dire que si tu vas attaquer un ennemi, après, tu vas rester proche de l'ennemi, tu vois, à la fin de ton tour. Soit, si tu peux utiliser, si je me souviens bien, il me semble que dans le 2, c'est aussi pareil. Alors, j'espère ne pas confondre le 2 et le 1, mais je sais que dans le 1, tu peux le faire aussi. C'est que tu peux faire une attaque forte ou une attaque, on va dire, particulière qui permet d'annuler le tour de l'ennemi ou de le faire redescendre dans la timeline. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas rejoué, mais il me semble que c'est ça, ouais. Et du coup, t'as un mélange de combats extrêmement dynamiques parce que, évidemment, sur la jauge, les icônes se déplacent très vite, tu vois. Donc, il faut regarder ce qui se passe sur la jauge, mais en même temps, la position de tes personnages. pour en fait, enfin, quand t'as la manette en main, tout prend son sens. C'est peut-être pas évident effectivement à expliquer comme ça, mais tu dis putain, alors lui il est proche de tel ennemi, puis c'est tel ennemi, son tour il est bientôt terminé, il est bientôt au bout de la timeline, vite faut que j'essaye de le contrer pour annuler son tour. Donc en fait tu prends des risques en faisant des attaques fortes, c'est que soit tu peux annuler le tour et là c'est banco parce que l'attaque forte c'est comme un critical, en fait tu lui fais beaucoup de dégâts et en plus tu lui annules son tour. Par contre, le taux de miss est super élevé, quoi. Donc, si tu te foires, tu perds ton tour parce que tu fais un miss, t'es devant l'ennemi. Et lui, bah, il va terminer son petit chemin sur la timeline. Mais je trouve qu'il y avait vraiment une belle proposition. Ouais, ça, en fait, c'est un jeu qui, pendant les combats, il récompense le risque. Bah, c'est surtout qu'à côté de, bon, du système de Dragon Quest antique qu'on connaît tous, ouais. L'ATB d'FF7 qui était vraiment pour moi le plus efficace de l'époque, après ça c'est mes goûts personnels. Oui, voilà. Et je trouve qu'en face, GameArts avait proposé un battle system parmi, et encore aujourd'hui je trouve, un des plus efficaces en fait du JRPG. Ouais, ouais, c'est clair. Par contre, moi ce qui me faisait chier, c'est que... sur le papier, c'est un univers Grandia qui est fait pour me plaire. Le générique du début, qui fait vraiment opening d'animé, vraiment ouais. À la Nadia, effectivement. Non, et puis le chara-design, il est exceptionnel. Et superbe. Hein. Par contre, pareil, le jeu, je ne l'ai jamais terminé. Je n'ai jamais réussi à m'attacher au personnage. Alors peut-être que moi j'avais la version US et c'est vrai que le doublage US était vraiment de mémoire était pourri, donc ça aide pas. Mais et les combats, je trouvais que le système effectivement de jauge était vraiment top. Par contre, je trouvais les combats mous. Et je trouvais la mise en scène des combats vraiment... important, ça. Moi, j'ai trouvé plutôt dynamique. Bah, moi, justement, c'était un peu bourrin. Quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ça me plaisait pas tellement. Et c'est vraiment sur Grandia 2 que j'ai apprécié grandement le système. Alors, je sais que c'est un jeu qui mériterait un remaster, le 1. Je comprends pas pourquoi il a pas été refait, genre sur Steam, tu sais. Mais moi, je serais le premier. Bah, le 2 est ressorti sur Steam. Ouais, mais en plus, il est vraiment pas cher. Et... J'aurais eu le temps d'y jouer, je me le serais, je l'aurais repris, mais hein, j'ai tellement joué en retard. Ouais, mais il est tellement facilement, tu sais, émulable. Bien l'idée de prendre la version entre guillemets officielle. Et puis apparemment ils l'ont bien apparemment ils ont fait un bon boulot de conversion d'après ce que j'ai lu. Oui, bon, c'est une texture tout ça, mais bon. Bref, en tout cas, Grandia, moi j'aimerais bien un jour lui donner effectivement une deuxième chance. Et moi je sais que l'histoire m'avait pas plus accroché que ça. Alors je sais que. En fait, les fans sont très nombreux. Hein, mais ouais, elle met trop de temps à décoller. Franchement, elle décolle au bout de 15 heures. Quoi. C'est ça qui est chiant. Et moi, c'est ça qui a fait que j'ai lâché. C'est que en fait, les grands méchants, ceux qui sont de tête, ils sont genre dans un vaisseau, bref. Ils apparaissent, mais longtemps dans le jeu. Tu fais beaucoup d'exploration, de chasse au trésor. Au début du jeu, c'est vraiment genre les gamins qui chassent des trésors, tu vois. Mais ça marche quand t'as une qualité d'écriture à la Dragon Quest. Quand l'histoire, tu sais, se développe vraiment très lentement. Là, le problème, c'est que les personnages sont pas effectivement pas spécialement travaillés. On va dire le premier quart du jeu, et il se passe pas grand chose. C'est pas le trésor, mais il y a un problème de rythme. Voilà, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un problème de rythme, c'est que qu'on aime ou pas FF7. Franchement, le début d'FF7, c'est dur. C'est dur de décrocher, quoi, parce que vraiment. Non mais il a un des meilleurs débuts de l'histoire du RPG. Ah oui, non, voilà. Le début est exceptionnel et c'est vrai que les bons Final Fantasy ont des débuts assez impressionnants. Ah oui, ont une entame ou quitte à ce que parfois même même les mauvais, j'ai envie de dire, parce que FF13. Je me souviens très bien. Alors FF13, est super. Pour ceux qui me suivent un peu, connaissent toute la détestation que j'ai envers FF13. Ah ouais, je le déteste. Bon, je pense qu'on n'est pas les seuls. FF7. Ah bah j'ai eu l'impression de me faire arnaquer, hein, carrément. FF13, le début, il est vachement bien. T'es tout de suite pris dans le truc. Long. Bon, après, t'es d'autant plus dégoûté après quand ça retombe, mais. Ouais, puis la BO, en plus, t'as limite les meilleures musiques du jeu tout au début. Tu vois, oui. Putain de boss. Oh non, c'est excellent. Oui, c'est la douche froide après. Mais. Après, dès que t'arrives dans le monde de glace, là, avec Bat Pokora, là, je sais plus comment il s'appelle. dès que t'arrives à ce moment-là et que tu vois que c'est encore pareil, que c'est encore de la ligne droite et il commence à rien se passer, tu te dis. Merde, ça va être ça le jeu tout le long. Mais sens du rythme sur un jeu qui est scénarisé. Alors, ça peut être un RPG, hein, ça peut être des jeux d'action-aventure à l'Uncharted, etc. C'est très important d'avoir un sens du rythme. Et c'est vrai que Grandia, je me souviens même l'avoir relancé plusieurs fois. Et sans dire de bêtises, il me semble même que je l'avais... Oui, j'avais dû le racheter ou le retélécharger quelque part, je ne sais plus. Pour le réessayer. Et j'y arrive pas, je m'emmerde. Au bout d'un moment, ouais. Je m'emmerde, quoi. Il me semble, alors je te dis peut-être des conneries, mais moi j'appelle ça le syndrome du RPG dirigiste. Il y a un truc que je déteste dans les RPG Jap, et c'est, j'ai jamais vu ça dans un jeu occidental, mais t'avais souvent ça à l'époque dans les RPG Jap, et t'as même souvent ça, il me semble que t'as ça dans Star Ocean 1 et 2, avec mon super accent anglais. C'est le syndrome du, quand tu fais un new game, au début du jeu, tu peux pas sortir du village, t'as un mec qui te bloque à la sortie du village, si tu fais pas une action... dans le village. Ah, mais Star Ocean 2, c'est le champion du monde, hein, qui est souvent un village qui fait à peu près 4000 km², tu vois, et il faut que tu parles à un PNJ qui est genre au deuxième étage d'une maison. Oui, et Grandia 1, t'as ça aussi, ouais, c'est vrai. Et dans Grandia 1, il me semble que tu peux pas sortir de la première ville tant que t'as pas parlé à. C'est chiant, à, ça. Michel, je répare des trucs, tu vois, qui est dans une maison. Je raconte peut-être des conneries, tu vois, mais. Je comprends pas pourquoi les Japonais font ça. Dans beaucoup, beaucoup d'RPG japonais, le premier village, tu peux pas sortir. Bah, c'est pour ça que les débuts qui sont très réussis... Laissez-nous sortir des villages. Merde, quoi. Les débuts qui sont très réussis, en général, tu sors rapidement. Ou alors, t'es soit même pas dans un village. Action, ouais, soit c'est des débuts très action, soit c'est des débuts où t'es complètement libre. Excuse-moi, oui, vas-y. Trouve-moi un Dragon Quest si tu peux pas sortir de la ville au début, quoi. Non, mais regarde... Prends les meilleurs FF. Déjà, tu prends du 4 au 6. C'est un début à chaque fois complètement. Original, quoi. Tu vois. Bah, c'est des débuts très orientés action à chaque fois. Hein. Voilà. C'est bien parce que ça te met direct dans. Et surtout qui impose une tension dramatique immédiate, quoi, en fait. Après, t'as des exemples un peu bizarres. Par exemple, Valkyrie Profile, c'est un des débuts les plus longs. Ben ça, c'est Trieste, hein, voilà. C'est un des débuts les plus longs. Valkyrie Profile, avant de pouvoir jouer vraiment, t'attends. Mais la musique, l'habillage, les scènes hyper poignantes font que... Et l'histoire, parce que l'histoire est quand même... Voilà, mais par contre, c'est vrai que... Pardon. Il n'y a pas de souci. Pire que Grandia, je pense que vraiment... Et pourtant, c'est un jeu, même s'il a énormément mal vieilli, qui à l'époque j'avais énormément aimé. Tu prends Star Ocean 2, le début. Heureusement que tu as les musiques de Sakuraba qui font avaler la pilule. Enfin bref, on va peut-être terminer sur celui-là. Donc, Grandia, c'est un jeu vraiment emblématique de la Saturne. Nous le rappelons bien, de la Saturne, même s'il est sorti sur PlayStation. Pour moi, FF7... Moi, quand je pense au duel entre les deux, je vois Vegeta, tu sais, qui met la petite manchette à Trunks enfant, tu sais, à la saga Boo, là. Tu sais, il y met une petite manchette à un moment donné pour l'évanouir, là, parce qu'il va aller combattre Boo, il va laisser... Oui, c'est exact. Allez, vas-y, endors-toi, bah voilà, bah, Trunks, c'est Grandia, quoi. La fameuse scène où c'est la première fois que tu vois Vegeta faire preuve de... qui affiche vraiment ses sentiments. Ouais. Nous, on n'est pas dans le FF7 bashing, parce que ça nous a toujours foutu la gerbe de casser un jeu parce que il est aimé du plus grand nombre. C'est un putain de chef-d'œuvre. Nous, on va pas mentir, on va pas dire qu'on déteste FF7 parce que tout le monde l'adore. Nous, on aimait FF7 avant qu'il soit, qu'il y ait une sorte de consensus autour de ce jeu. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de défauts. D'ailleurs, on en a parlé dans pas mal d'émissions. Il y a une des émissions où tu parlais du mode là, Nutrit là, sur PC. On ne dit pas qu'FF7 est parfait. Il a pas mal de défauts. voilà. Mais bon, face à Grandia, pour moi, il n'y a pas de match. Grandia, ça reste un grand RPG. Il y a autant de matchs que, je sais pas, devant Resident Evil 1 et, tu sais, Deep Blue, là, ou je sais pas quoi, là, machin Blue, là. Deep Verdo, là, j'en sais rien. Tu sais, l'espèce de... Deep Fear, putain, voilà, genre avec dans un sous-marin, là, je sais pas quoi, qui était bien, hein, c'est un bon jeu, hein, c'est un bon survival sur Saturne. C'est un bon survival, mais c'est vraiment un... Mais dégage, quoi, enfin, je veux dire, Resident Evil 1 en face, mais... C'est un jeune Padawan, quoi. C'est... Prosterne-toi, quoi. Donc, c'est un peu ça aussi, quoi. Donc voilà, je pense qu'on... Donc FF7 gagnant par KO. Même si on... Moi, je vais juste terminer là-dessus, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui adorent Grandia et comme ils m'exposent les arguments, je les entends tout à fait et c'est juste que, bah voilà, moi, j'ai pas accroché. Il n'empêche que je pense que ça reste effectivement un des meilleurs RPG de cette époque-là, malgré tout. Mais bon, oui, oui, bien sûr. Nous, ne, voilà, notre... FF7, il est à part. Voilà, FF7, quoi. alors, on va passer au duel suivant. Alors, je reprends notre super mégaliste. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour du côté des 8 bits, histoire de varier un petit peu? Bon là, le problème, Alex, c'est que là, il n'y a vraiment pas de match non plus, mais bon. C'est un peu... Alex Kidd Mario. Il n'y a pas de match, mais bon. Tu sais quoi, je crois qu'on va se faire encore vachement aimer des fans hardcore et un peu aveuglés de Sega. Ouais. Et pourtant, nous, on adore Sega, hein, c'est pas le problème, mais bon. Non, mais le pire, c'est que. Alors, quand on parle. Là, on va parler d'Alex Kidd versus Super le Mario Bros. Mario NES, donc Super Mario Bros. Tout court, sur NES. Le pire, c'est que moi, j'aime beaucoup Alex Kidd sur Master System. Moi aussi. Mais jouabilité de merde, parce que la jouabilité est pourrie, problème de collision, level design très moyen, jeu inégal, buggé. Mais bon, néanmoins, voilà, le meilleur de la série. Est-ce qu'il faut en dire plus, quoi? Deux ou trois musiques sympas, le reste au secours. Non, ce duel s'impose totalement, parce que pour ceux. Il n'y a pas vraiment de boss. Pour les vieux croutons comme nous qui lisaient la presse de l'époque. Alors, on les opposait, mais là, ce n'est pas qu'une invention de la presse, c'est que, voilà, il fallait répondre à Mario. Donc, c'est un peu une réponse, Alex Kidd, à Mario. Sonic n'a pas été la première réponse non, c'est clair. À Mario. Et bon, comment dire ? Effectivement, c'est vrai que voilà, Super Mario Bros. Que... Ben, c'est ça, c'est que Super Mario Bros. On va pas revenir sur toutes les innovations et la modernité de game design qu'il a amené dans le milieu. On va peut-être la différence entre les deux, c'est que Super Mario Bros. Il est encore d'actu en termes de gameplay. Alex Kidd, non quoi. Super Mario Bros. En fait, il a conceptualisé le, je pense, de grandes notions de game design à une époque où le jeu vidéo, c'était le début, c'est normal, chacun tâtonnait. Il a établi des règles, quoi. Voilà, établi des règles. Bon, c'est vrai que Miyamoto, même si aujourd'hui certains observateurs s'amusent à dire que c'est juste un VRP et un superviseur. Faudrait pas oublier quand même tout ce qu'il a amené ce qu'il a créé. C'est le jeu vidéo, est-ce qu'il est aujourd'hui, il a une grande part de responsabilité, pas que lui, mais il en a quand même une belle. C'est vrai qu'Alex Kidd à côté est beaucoup moins chiadé, a un game design un peu plus flottant. il est bancal, c'est un jeu qui est super bancal. Mais c'est un jeu qui reste super attachant. Voilà. Il a un putain de capital sympathie, il a une super ambiance, graphiquement, on peut pas nier qu'il est joli quand même. Enfin... faut dire que voilà, l'avantage, la seule chose qu'on peut concéder en supériorité à Alex Kidd, et ça c'est lié au hardware, c'est vrai que la Master System, bien sûr, était bien plus puissante que la NES, et c'est vrai que les couleurs... Elles sont magnifiques, quoi. Moi, je le trouve joli, même s'il est très, on va dire, minimaliste, et que les ennemis sont moches, putain, mais ils sont d'une laideur. Mais c'est mignon, t'as les véhicules. Avec le cul, quoi. Les petits véhicules, les pierres feuilles ciseaux. Même si ça, je trouve que c'est une idée de merde. Mais ça, à l'époque, ça suffisait. C'est vrai que quand tu rejoues un Alex Kidd, moi, les passages de pierres feuilles ciseaux me casse les burnes. Mais il y a un truc, pourquoi personne n'en parle, mais il a quand même le son de ramassage de collectibles, on va dire, le plus pourri du monde, quoi. Ah merde, je me rappelle pas de ça. Tu sais, quand tu prends les bourses, là, les bourses de pognon, là, ça fait un truc, mais strident, mais... Alors ça, c'est pas plus dans la version Mega Drive, ça? Non. Déjà sur Master System? Non, c'est sur Master System. Ça fait un vieux truc, ça te couvre tout et je sais pas, il suffit que t'aies une carie quand tu joues au jeu. Tu peux plus y jouer. Ou une otite. Que... Oui, voilà. T'as l'impression que le son, il sort de ta dent, quoi. Ça te fait saliver. Tu saignes des oreilles, tu saignes de la bouche. T'as plein de salive en dessous de ta langue, quoi. Quand il y a le son, tu jutes de la bouche quand il y a le son. T'as tous les linges du quartier qui grattent à ta porte. À chaque fois qu'il ramasse du pognon, t'as les linges qu'à moi. T'as ton chien qui saute dessus, genre. C'est sur la manette. Le survie pourri. Tu retrouves des oiseaux morts devant ta porte. En plus, non, c'est la version Mega Drive, c'est autre chose. La version Mega Drive, tu sais, quand tu tapes un truc, quand t'as un truc qui explose, t'as l'impression que la console est dit Jackie, ça fait Jackie, Jackie. J'avais pas fait le rapprochement, tu vois. Le son, il est pourri. De toute façon, les sons dans tous les Alex Kidd, ils sont pourris. Le seul vrai bon Alex Kidd, c'est Alex Kidd et les Chinois, là, je sais pas quoi. Là. C'est Alex Kidd et les Chinois. Non, mais Alex Kidd. In Shinobi World, tu veux dire. Oui, c'est Shinobi World. Alex Kidd et les Chinois. Oh putain. Non, oh, mais attends, hey, mais tu sais, quand là je fais des vannes de gros racistes, tu vois. Mais quand tu sors ces jeux-là, tu sais, c'est comme le Super Mario là. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Super Mario Land, là, quand tu vas dans le monde, tu sais, asiatique, la musique. C'est une musique de raciste, je suis désolé, quoi. Et, tu sais qu'avec Ellie, souvent, on la chante, tu sais, quand il y a des trucs qui font très chinois à la télé, tu sais, des gros clichés. Ah, ça mais moi, je l'ai encore en tête, hein. Chinois, chinois, oui. Chinois. C'est, tu peux mettre, tu sais, des lyrics avec les mots bol de riz, chinois, jaune, baguette dedans, quoi. Bah, ce que je ferais pendant le montage, je mettrais cette musique. Je l'ai encore bien en tête parce que. Elle est super en plus, elle est trop bien. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est très cliché. Mais enfin, bon, pour revenir à Alex Kidd. Non, voilà, c'est le seul. Pour moi, c'est le seul Alex Kidd qui est bien. C'est celui-là. Pourtant, moi, j'ai l'impression que chez les fans d'Alex Kidd, c'est vraiment ce premier épisode sur Master System qui. Ouais, bah c'est ces deux-là, quoi. Qui est le meilleur parce que je me souviens quand j'avais fait une rétrospective pour IGMag d'Alex Kidd. Parce que je les avais pas tous faits à l'époque. J'ai rejoué à tous les épisodes et vraiment, moi, celui que j'ai trouvé le plus sympa. C'est vraiment le premier sur Master System. Celui sur Mega Drive, il est parfois catastrophique, mais moi j'avais gardé un bon souvenir parce qu'à l'époque, quand la Mega Drive venait de sortir, dans une émission, on l'avait vu. C'était le fameux gros plan sur la souris. Gros plan sur la souris, ouais, dans le village là. Moi ça m'avait donné envie aussi. D'ailleurs, encore un petit blague à JV le Mag, on va dire qu'on s'acharne. Oh. Mais, ils ont fait un dossier. Qui s'acharnent à écrire de la merde aussi. Ils avaient fait un dossier il y a quelques mois, quand j'achetais encore le magazine, parce que vraiment, bon, je l'achète plus, sur les rubriques de jeux vidéo à la télévision, un grand historique. Et ils n'ont pas parlé de gros plans sur la souris. Et là, sur Game Cult Premium, ils ont mis là, il y a quelques jours, cet article-là dans la section Premium. et ça m'a rappelé que voilà, ils ont zappé gros plans sur la souris qui est. Pour beaucoup de vieux cons comme nous, qui a énormément marqué, quoi, voire même plus que Micro Kids, pour beaucoup d'anciens. Enfin bref, ça c'est encore une parenthèse. Mais ouais, Alex Kidd, en fait, c'est aussi symptomatique de ce que Sega répétera encore avec Sonic, c'est que ils ont un premier jeu qui est assez fort. Bon, même si Sonic, premier du nom, à tes souhaits, même si Sonic, premier du nom, est beaucoup plus fort qu'Alex Kidd, hein, on va pas se mentir. C'est pas comparable. Hein. C'est pas comparable, mais. Sega n'arrive pas sur ses mascottes en tout cas à faire des bons jeux, à faire fructifier le truc, quoi. C'est que après Sonic, on voit la cata que ça a donné les années suivantes, et là Alex Kidd c'est pareil, le premier reste le meilleur, après il y a eu des catas intégrales. Il y a celui effectivement In Shinobi World, mais il me semble que Alex Kidd In Shinobi World à la base il n'était pas prévu pour être un Alex Kidd. Alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à la base ça devait être effectivement un autre jeu et qu'ils ont accolé Alex Kidd en tout cas c'est un bon jeu donc. ouais mais voilà, donc on a Mario Bros d'un côté avec la grammaire qu'il a inventé, qu'il a écrit pour le jeu de plateforme, et à côté t'as Alex Kidd qui essaie de courir derrière, qui est vraiment sympa mais qui est quand même très loin, quoi. Donc bon, c'est on va peut-être passer on peut passer à autre chose, hein. On peut passer à autre chose, donc gagnant Super Mario Bros. Si on retournait alors qu'est-ce que je regarde la liste, hein, ce qu'on a Final Fight. Ah, ça ce serait bien de le faire, ça, ouais. Retro Game Battle. Final Fight versus Street of Rage. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on peut choisir le Street of Rage ou c'est forcément le 1? Alors moi, avant de commencer ce débat, moi je fais partie de ceux qui j'arrive pas à séparer le 1 et le 2 en fait. Street of Rage, c'est que oui, de manière pragmatique, le 2 est meilleur, mais je les aime autant. J'aime énormément le premier aussi. Donc, ouais. En fait, pour moi, je pense qu'on pourrait faire, c'est mettre le 1 et le 2 dans le même sac. C'est vrai que le 3 est particulier, donc je pense qu'on va le mettre à part. Ouais. Il est détesté par certains, il est adoré par d'autres. Moi, c'est vrai que le 3, je suis pas très fan. Malgré il a un bon game, il a un bon gameplay. Oui, il a un pur gameplay et un level design de merde. Donc de toute façon. Bon, bah, on est d'accord là-dessus. Voilà. Moi, je mettrais le 1 et le 2 dans le même panier, même si après on peut relever les différences. Ouais. Voilà. Donc bon, on avait parlé dans notre épisode spécial souvenir d'été l'impact qu'a eu Final Fight sur notre enfance. Ouais, c'est clair. La bande Final Fight. Donc c'est vraiment c'est très dur pour moi parce que c'est un peu comme dire tu choisis entre papa et maman en fait. Ouais. C'est que je sais pas. Je vais te laisser commencer. Pour moi, j'ai une préférence quand même. J'ai une préférence liée à la richesse donc de gameplay, mais en soi, tu me demanderais, tu dois garder un seul beat'em up sur toi. Moi, je vais pas prendre la. Alors, je vais pas prendre Final Fight version Super NES. Je vais prendre la version arcade. Ouais. Ah bah oui. Parce oui, que oui. La version Super NES, elle est quand même tronquée. Il manque un niveau, puis surtout, il manque Guy. Alors, les spécialistes disent Guy, mais moi je dis Guy parce que oui, je dis puis Guy, hein. Quand tu vois vraiment les deux versions à côté, il est quand même plus beau en arcade. Il est plus beau en arcade. Les animations sont beaucoup plus fluides. Et voilà, les sprites sont un peu plus gros. Il y a un ou deux niveaux en plus de tête. Bon, bref, moi je prends la version arcade parce que c'est ma version préférée et que je joue avec Guy. Donc voilà. Même si quand j'étais petit, je jouais avec Agar. En fait, bon, moi, mon beat'em up préféré, c'est Street of Rage 2. Voilà. Choix qui peut tout à fait se comprendre. Voilà, parce que gameplay, parce que ambiance, parce que musique, parce que perso, parce que boss qui pète, parce que je lui trouve pas de défaut quoi. J'y arrive pas. Pour moi, en plus, il est ni trop court ni trop long. Il a le nombre de niveaux parfait. Tous les niveaux sont bien. La fin est top. Le seul défaut pour moi, c'est Skate là, le petit là. Putain, mais pourquoi ils ont pas mis Adam? Alors bon, dans le scénario, c'est Adam qui se fait capturer, ok, mais j'aurais tellement aimé avoir Adam dans... Ouais, il est relou à jouer, le gosse. Moi, je joue jamais avec lui. Ils auraient mis Adam à la place de lui, ça aurait été... C'est un peu comme le papy cyborg dans le 3. Ah bah moi, c'est mon perso. Ah merde, ah bah moi, je déteste. Mais... Ouais, c'est mon perso, je trouve qu'au niveau gameplay, c'est le plus... Ah le plus oui, bah après, là, c'est vraiment... Là, je parlais du look, mais... Puis moi, j'aime bien les persos un peu chelous, comme ça. Tu vois, moi, un de mes persos préférés, si ce n'est mon perso préféré de tous les Dragon Quest, c'est Torneko. C'est le bah, comme beaucoup hein mais le vendeur là le marchand et Ragn c'est le non, je sais pas tu vois qui c'est Ragn c'est le chevalier rose de Dragon Quest 4 oui, avec oui, je vois, je son balabre sur la gueule bref bon moi j'aime bien ce genre de personnage qui paye pas de mine Final Fight en fait voilà bon c'est mon préféré Final Fight reste pour moi le numéro 2. Mais voilà ce que je veux faire comprendre c'est que Final Fight Arcade en deuxième en premier je mets Street of Rage 2 enfin Street of Rage faut le dire en anglais pour toutes les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure mais les autres beat'em all enfin les autres beat'em up sont loin derrière ces deux là pour moi même Guardian Heroes tout le monde dit hey, Guardian Heroes ah oui, non, mais je suis moche. D'accord. Guardian Heroes, il est dégueulasse graphiquement. Je ne l'ai jamais trouvé beau et je suis désolé. Mais quand je vois des sprites en 4 couleurs, ok, ils font style animé, mais qui sont zoomés, dézoomés, avec des stretches dégueulasses, moi, je ne peux pas. Moi, ça me sort du truc. Je alors, pense qu'il y a oui, beaucoup de jeux Treasure qui sont surcotés quand même à mort. Ouais, mais voilà, celui-là, vraiment, je ne peux pas. Tu peux me sortir tous les beat'em up du monde, Double Dragon, etc. Moi, j'adore Double Dragon 2 sur... sur Game Boy, la version Game Boy, je l'adore. Non, t'as Capcom qu'on a fait des excellents en arcade, tu vois, genre Punisher, oui, Cadillac and ouais. Dinosaur. Ils sont excellents. L'Alien, là. Voilà. Ah non, mais le Alien, sur ma borne, un jour, on l'a fait avec Nat, mais c'est l'éclat total. Mais, ouais, et il y a aussi, tu sais, le. Merde, comme il s'appelle. Oh putain, tu sais, le jeu Capcom Heroic Fantasy, là, tu peux choisir l'Elf, tu peux choisir un chevalier. Oh, King of Dragons Peut-être, ouais. Non, il y en a un autre. Il y en a deux. Il y a King of Dragons, mais il y en a. Bah, je l'ai aussi, ouais. Mais c'est toujours des titres, tu sais, les termes Heroic Fantasy qui sont interchangeables. Il y a Dragons. Camelot, y a je sais pas quoi. Enfin, il est ouf, celui-là. Mais je suis désolé, voilà. Final Fight, Street of Fight. Mais en fait, en discutant, je pense que. ils sont badass. Tu me donnerais le choix. Je pense que je prendrais quand même les deux Street of Rage. Finalement, avec le recul, ouais, je pense que je les mettrais quand même au-dessus parce que, en fait. Ne serait-ce qu'à deux, t'as vu toutes les possibilités dans Street of Rage Ouais, puis l'ambiance, en fait, pour moi, c'est le. Mais je mets le 1 aussi, hein, parce que moi, personnellement, parce que j'accorde bien évidemment une importance extrême au gameplay, mais Street of Rage, c'est l'ambiance aussi pour moi. Et c'est vrai qu'il y a des niveaux du 1. Même ils sont chiants. Le 1, il est quand même super répétitif. Hein. Tu vas toujours devant. Oui, non, mais justement, je trouve que c'est mon avis perso après. Hein. Ouais. Au niveau de l'ambiance, tous les niveaux du 1, je les adore. Au niveau de l'atmosphère, et je peux pas les dissocier du 2, même si au niveau du LD, le 2 est beaucoup plus diversifié. Oh, tout ce qui se passe dans le 2, t'as vu tous les trucs qu'il y a, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais par exemple, tu vois. Tu prends le 1, les deux premiers niveaux dans la ville, le niveau du bateau, l'ascenseur. Moi, j'aime pas trop le deuxième niveau du 1. Hein, donc, Moi, j'adore l'ascenseur, l'avant-dernier niveau, que je trouve. C'est un des meilleurs. Extraordinaire, avec la musique, la ville illuminée. Puis le fait de pouvoir faire les projections, c'est les dégager, tu sais, de l'ascenseur. Mais en fait, c'est l'attaque spéciale, tu vois le parking avec la bagnole et tout. Fin. Moi, c'est le contraire, en fait. Il y a des passages. Il y a un passage dans Street of Rage 2 qui me saoule tout le temps, alors que dans le 1 il n'y en a aucun qui me saoule. Ah ouais. Moi c'est le dans le 2, c'est quand tu déjà le niveau de la plage du 2, je trouve qu'il a il est moins inspiré, ouais. Il est moins inspiré, l'ambiance est moins bonne, et je déteste les passages où tu sais, après tu as les sacs de sable qui sont posés avec les motos qui arrivent dans tous les sens. Moi, ça me pète les oreilles à chaque fois, et je trouve ce passage chiant, en fait. C'est vrai qu'il y a une technique très simple pour jamais se faire toucher. Dans Après, ce c'est niveau, mon avis. Ouais, mais tant que tu l'as pas, c'est vrai qu'il peut être un peu agaçant. Hein. Et au niveau des musiques, c'est vrai que alors, les deux BO sont extraordinaires. Ouais. Mais voilà, c'est pareil, je peux pas me séparer de l'un ou de l'autre, en fait. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais... Peut-être plus inégal dans Street of Rage 2, mais pour la simple et bonne raison qu'il y en a deux fois plus, quoi. Oui, eh ben là, ceci explique en cela. Forcément. Après, en fait, j'aime autant les deux. Voilà. Je peux vraiment pas les dissocier, puisque au niveau du gameplay, le 2 est beaucoup plus évolué, effectivement. Mais le 1, l'ambiance des niveaux du 1, ses musiques, je peux pas les dissocier. Et puis le 2, bien sûr. Tu te souviens de le premier boss de Street Fresh 2, quoi? L'arrière-cour du bar. Ah non, mais ça c'est cultissime. Avec la grille derrière, tu peux coincer le boss dessus. Où il c'est peut cultissime. Non, avec mais les poubelles et tout. Oh là là. Mais c'est pour ça que je peux pas. Tu vois, le niveau de la plage, je préfère celui du 1. Par contre, au niveau des boss, t'as pas d'équivalent au premier boss de Street of Rage 2 dans le 1. Bon, en fait, Et fut un temps, par contre, je préférais le thème du boss du premier. Je préfère celle du 2. Et finalement, maintenant, j'arrive pas à les départager. Enfin bref, c'est pour ça que pour moi, il faut un tout. On dirait du hip-hop expérimental. C'est... Par contre, il faut rappeler que. Donc, effectivement, Street of Rage, l'ambiance, les musiques absolument cultissimes de Yuzo Koshiro. Ouais. Voilà, qui a influencé et qui influe toujours maintenant une grosse partie de la scène hip-hop et électro américaine et mondiale. Ouais. Maintenant. Il faut rendre quand même à César, ce qui est à César, c'est que Final Fight, quand il est arrivé, c'est vraiment une date importante dans le beat'em up, c'est-à-dire qu'il a vraiment modernisé la formule comme Double Dragon l'avait fait à son époque. Ah ben, c'est le Super Mario du beat'em up. Hein. Voilà, il a vraiment modernisé la formule et il a imposé des codes. Si vous connaissez très bien les deux jeux, vous remarquerez que dans Street of Rage, c'est une version nocturne. De tout ce qu'on trouve dans Final Fight. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il suffit de regarder les ennemis, de regarder les situations. Regardez, par exemple, il y en a des exemples, il y en a mille, hein, mais je vous en prends juste un. Il y a des ennemis, c'est les mêmes. Quoi. Ça va durer deux heures. prenez la fin des deux jeux. Final Fight, ça se termine dans la propriété, après un niveau ascenseur, hein, après un niveau avec un élévateur, ça se termine dans la propriété du méchant. T'avances après à l'intérieur de l'immeuble dans des couloirs super cossus avec un tapis rouge avec des lustres qui tombent et t'arrives devant la porte où il y a le méchant. Bah, Street of Rage 1, c'est exactement la même chose sauf qu'au lieu d'avancer de gauche à droite, t'avances de droite à gauche. C'est l'antithèse parce que tu retrouves même les mêmes routines de persos qui font des glissades, les gros. les jongleurs. Ouais, donc c'est pas l'antithèse, c'est là, justement, c'est la thèse. Oui, oui, ouais, non, non, pardon, excuse-moi. C'est vraiment. Sans déconner, c'est un quasi-plagiat. Ah, mais c'est un. En fait. Tu sais ce que c'est la version Kaira, en fait. Mais, non, c'est une version Kaira de. Non, mais c'est ça, c'est une version nocturne, c'est une version Pigalle la nuit de Final Fight, en fait. Ce qui ne retire en rien aux qualités du jeu de Sega, parce qu'ils ont amené en termes de gameplay, de personnages, des choses nouvelles. Mais voilà, ils se calquent beaucoup sur Final Fight. C'est-à-dire qu'en clair, sans Final Fight, Street of Rage n'aurait jamais existé. Parce que déjà, c'était la réponse au Final Fight de la Super Famicom. Comme Sonic n'aurait jamais existé sans Mario, c'est pareil. Exactement, c'était une réponse. Maintenant, alors, en fait, où moi je choisirais Street of Rage 1 et 2, c'est que Final Fight, moi c'est surtout le début que j'adore. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce plaisir niveau, avec les sprites énormissimes. Oh, le premier niveau, il est incroyable. La patate des coups. C'est vrai que on en avait déjà parlé donc dans notre émission spéciale Souvenir d'été. C'est un problème de son. En fait, c'est pour ça que dans Street of Rage 1, il y a moins de patates. Parce que, tu sais, quand tu tapes, ça fait... Et d'ailleurs, ils y ont remédié dans le 2. T'as vu, c'est des sons de Jackie Chan, quoi. Dans Street of Rage 2, c'est vraiment des bruits de patates de forain. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que dans le 2, Street of Rage 2, le coup d'Axel, donc qui est le blond, qui est le héros de Street of Rage, dans le 1, Axel fait des coups un petit peu en coup de poing retourné. Ouais. Et dans le 2, il a vraiment le même coup de poing que Cody dans Final Fight. Donc, moi, c'est des jabs. Ce qui m'avait plu, à l'époque. Puis ses voix digites, quoi. Non, mais c'est quand tu fais deux fois avant et l'attaque, il dit il fait froid. Il fait froid. Et bon, voilà, en fait ce que je disais, c'est que Final Fight, j'aime surtout refaire les premiers niveaux. Ouais. Et grosso merdo, dès qu'on arrive, dès qu'on a passé le niveau du métro, qui est génial. Ouais. Moi, je lâche un peu. Je continue jusqu'au bout. Je joue beaucoup avec mon fils parce qu'il a... Il y a moins de mise en scène, en fait, après. Donc, il adore Final Fight aussi, maintenant. Mais que Street of Rage, j'ai plus envie d'aller jusqu'au bout. Et puis, petite anecdote, c'est que quand mon épouse était enceinte et qu'on... On n'était jamais d'accord sur le prénom à donner à notre fiston. En fait, c'est en jouant à Street of Rage, en refaisant une énième partie à deux, qu'elle m'a dit bah, Axel. Et là, tout de suite, ça a tilté. Et je me suis dit ah, bah voilà, c'est le prénom qu'on cherchait. On s'est mis d'accord dessus. Et tout de suite, on s'est dit bah, c'est ce prénom-là. Donc, c'est marrant aussi que c'est ce jeu qui nous a aidé à trouver le prénom de l'enfant. Mais, dernière anecdote c'est. C'est le seul jeu, si je me dis que c'est faux, mais bon, avec des potes, nous, on entend ça. C'est le seul jeu où, quand les ennemis meurent, ils disent Sega. Ils font. C'est vrai que la voix des ennemis qui crèvent dans Street of Rage, elle est exceptionnelle, quoi. Ils disent Sega, ils font. mais je pense, tu vois, que Street of Rage, ce qui fait vachement pencher la balance pour lui. C'est son gameplay un peu plus étoffé, mais moi, c'est vraiment surtout son ambiance. Ouais, c'est clair. Visuel. Et musique. Visuel et sonore. Sonore, parce que voilà, Koshiro, là, il. Voilà. Ah, il est à fond, là. C'est sa BO, quoi. Koshiro, le master, quoi. Mmh. Et visuellement, c'est un type de graphisme. Alors, je sais pas si certains vont me comprendre, mais sur Mega Drive, t'avais une patte graphique de beaucoup de jeux qui se passaient dans une atmosphère nocturne. Il y a une patte graphique qu'on retrouvait sur certains jeux et je trouve qu'il est vraiment bien, bien représentatif dans les Street of Rage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Cette ambiance brique, néon, etc. Bah, c'est l'ambiance contraste. Alors en fait, ça rend très bien aussi sur Mega Drive parce qu'elle a une palette de couleurs excessivement acide. L'avantage, c'est que c'est des ambiances qui demandent pas beaucoup de couleurs à l'écran, hormis des contrastes exacerbés, tu vois, genre, t'as vu, t'as toujours des anciennes, rouge, vert, bleu, et là, bon, je vais faire du jargon graphiste, mais c'est genre du vert 00 RB et 255 V, quoi, tu vois. Donc, et pour toutes les couleurs, c'est pareil, puis ils alternent, si tu veux. Là, on a perdu énormément. Les trois quarts des auditeurs. Non, mais ils alternent, voilà, ces palettes pour faire un petit côté un peu Las Vegas, tu vois, enseigne de nuit. Et il joue beaucoup sur le noir et les nuances de bleu roi, sachant que ces nuances de bleu roi, pour ceux qui connaissent un peu voilà, les palettes, la palette de couleurs qui est disponible de la Mega Drive, qui a été choisie donc, dans le chipset graphique, en fait, la palette, elle est... il y a beaucoup de nuances en fait, sur le bleu roi, sur Mega Drive. Mais c'est ça, c'est un truc qui se retrouve... Et juste pour finir sur Street of Rage, encore une autre petite anecdote, c'est que, ouais. Et c'est là, je pense que pour moi, il gagne le duel, c'est vraiment son aspect, donc toujours visuel et sonore, où moi, à chaque fois que j'y rejoue, je fais exprès de ralentir la mort d'un boss, de ralentir le nettoyage d'une zone, parce que la musique, l'ambiance, tu vois, par exemple, c'est pour ça que je peux pas les dissocier, c'est que dans le 1, t'as quand même des passages extraordinaires. Bah, pour moi, le bateau dans le 1, t'as l'impression que le bateau, il tangue... Avec les chirus, là, qui apparaissent partout. Voilà, t'as l'impression que le bateau tangue au rythme de la musique. Ouais. Quand t'arrives sur le bateau, mais t'as envie de tout défoncer tellement c'est électrisant, quoi. Ouais, c'est clair. Après, faut pas oublier que, je sais pas si tu te souviens, mais contrairement à Final Fight... Dans les Street of Rage, t'as genre 4 modes de difficulté, t'as tout un système de scoring de dingue qui est même pas expliqué, tu sais, dans le 2. Si tu sautes, par exemple, t'appuies vers le bas et tu fais une attaque, tu sais, les petits coups de genou là, qui met pas à terre, tu sais, là, c'est l'attaque sautée, c'est oui, la seule attaque sautée qui met pas à terre. Tu fais cette attaque là, en fait, elle donne plus de points que l'attaque sautée normale. Donc c'est à toi de trouver des combos, tu sais, tu peux sauter, faire cette attaque-là, atterrir devant le mec, faire deux fois ces deux jabs, ensuite, paf, tu lui fais une prise, deux coups de genou, hop, tu sautes derrière lui, tu lui fais un tiger suplex, là, un German suplex, tu peux inventer des combos, en fait, qui permettent d'augmenter le scoring, tu peux même gagner genre 3-4 vies dès le premier niveau, tu vois, en faisant ce type de combo. En hardest, avec le nombre d'ennemis, tu peux augmenter ton scoring. Enfin, il y a les attaques combinées, les attaques combinées que tu peux faire aussi. Voilà, il y a toute une mécanique de speedrun et de scoring que t'as pas dans Final Fight. Enfin, et dans le 2, il y a du gameplay émergent en fait. Il y a beaucoup de gameplay. Dans le 2, ils avaient même mis un mode comme c'était la grande mode Street Fighter 2 à ce moment-là. Street of Rage 2 était sorti, t'avais un mode ou CVS. Pour moi, c'est anecdotique, mais ouais, oui, mais si tu veux. Mais c'était là quand même. C'était là, il y avait beaucoup de choses et donc bon, alors on dit Street of Rage vainqueur alors du coup. Ouais, voilà, faut qu'on avance. Non mais je suis d'accord aussi de toute façon. Ouais, Street of Rage. Voilà, donc on adore les deux licences quoi en fait. Ouais, voilà, c'est mais, ça. Mais Street of Rage vainqueur, nous sommes d'accord. Est-ce que alors vers quoi on pourrait s'orienter maintenant? À mon avis, on va faire un dernier duel. Retro Game Battle. On va voir si on a tendance à en faire encore un ou deux. Je regarde notre liste. Bon, il y en a un, c'est un incontournable. Hein. On va retourner sur 32 bits. Ouais. Ouais. Resident vs Silent Hill, c'est dur. Hein. Alors. Alors, c'est série contre série ou c'est Resident Evil 1 contre Silent Hill 1? Bah, en fait, alors, je pense que si on fait série contre série, moi, si tu me lances sur sujet, on est là dans 3 heures encore. Donc, je pense que c'est trop long. Ce qui serait bien, c'est vraiment de prendre le contexte de l'époque où Silent Hill, on le sait, et Toyama, le créateur du premier Silent Hill, qui est parti après faire Siren et plus récemment Gravity Days, c'était vraiment, lui, l'a reconnu aussi. Il fallait répondre à Capcom. Faut savoir que sur 8, 16 et 32 bits, il y avait quand même cette guerre Konami-Capcom qui était qui était géniale parce que nous, les joueurs, on... Capcom, il était en guerre avec beaucoup de... C'est vrai que Konami, par exemple, était en guerre avec Capcom, mais Capcom était en guerre avec Konami et SNK, quoi. Oui, voilà. Et c'est, c'est ça, hein, quand t'es bon, t'es en guerre avec pas mal d'éditeurs. Sur certains secteurs, c'était un peu comme la guerre en arcade, Namco, Sega, qui a été aussi... Sur les jeux de caisse aussi. Sur les jeux de caisse, les jeux de baston, etc. Et du coup, je pense que ce serait bien de prendre le contexte de l'époque, comme un peu les autres duels qu'on a évoqués jusque-là. C'est que, c'était une réponse... à Capcom. Oui, complètement. Je pose le décor rapidement. Mais une réponse intelligente. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut rappeler donc que Resident Evil a réinventé, j'aime bien dire ça, a réinventé le survival horror. Donc bien sûr, ils se sont inspirés de Alone in the Dark, mais ils ont vraiment lancé... Ah, pas besoin de revenir là-dessus. Survival Horror, je vous rappelle que c'est un terme marketing inventé par Capcom pour vendre son Resident Evil. C'est ça. Mais ça a lancé vraiment toute une mode, un peu comme la mode des mascottes qu'avait lancé Mario et Sonic. C'est ça. Et surtout la sortie de Sonic. Et donc là, c'est pareil. Resident Evil sort et tout le monde veut faire son Survival Horror. C'est vraiment un des genres à la mode voilà, à ce moment-là. Et les trois quarts des jeux d'horreur que lançaient la plupart des éditeurs, c'était des clones vraiment de Resident Evil qui reprenaient les mêmes règles et donc la plupart du temps en moins bien. Voilà. Des jeux qui se cassaient la gueule. Et où, alors on va pas vous faire l'historique de Silent Hill parce que là pareil il faudrait une émission spéciale, mais la finalité en fait c'est que Toyama au sein de Konami a l'intelligence de proposer quelque chose qui prend le contre-pied total de Resident Evil. Ouais. C'est là où c'est intéressant, c'est que en s'inspirant plus des films type l'échelle de Jacob, et films plus psychologiques, thriller. Oui, voilà, et la notion psychologique de l'inquiétante étrangeté. C'est un jeu qui la religion, tous ces trucs-là, tout ce qui fait peur. Quoi. En fait, Resident Evil, lui, puise son inspiration dans les films d'horreur et les films de série Z, de série B. Ouais, vous pouvez faire tout l'alphabet. Il le fait extrêmement bien. Resident Evil, moi, bon, parce qu'on l'a connu à l'époque, moi, je relance très souvent le premier. Je suis toujours autant à fond au niveau de la musique, de l'ambiance. Ouais. Parce que je trouve que, pour l'époque, t'avais vraiment l'impression de jouer dans un film d'horreur. Enfin, c'était du jamais vu. Alone in the Dark a été précurseur, mais t'avais pas cette impression dans Alone in the Dark. Là, vraiment, dans Resident Evil, t'avais vraiment l'impression d'être plongé dans un film d'horreur interactif, et c'était la première fois qu'on ressentait ça. Ouais, et ouais, donc, Silent Hill en face, lui, c'est beaucoup plus atmosphérique, c'est beaucoup plus dans le malsain, dans l'ambiance, dans le psychologique, en fait. Et alors, Silent Hill, ce qui a fait que, et nous les premiers, moi, je suis surtout devenu un fan absolu de Silent Hill à partir de l'indépassable deuxième épisode, voilà, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et si vous l'avez jamais fait, honte à vous, foncez. C'est que c'est pour moi le meilleur survival de tous les temps. Donc, en fait, Silent Hill 1. Pour moi. Hein, pour le, moi. Alors là, on se lance pas dans ce débat parce que sinon on est là dans. Mais en tout cas, voilà, c'est Silent Hill 2, c'est une œuvre tellement bouleversante qu'on pourrait en parler des heures. Ouais. Mais en fait, le premier Silent Hill, le petit souci qu'il y a eu, et même moi à l'époque, c'est que visuellement. Moi, c'est la technique. Comme il est entre. Alors, ce qui est triste pour Silent Hill, c'est qu'il y a un exploit technique quand même. Mais c'est clair. Puis c'est gilles, l'éclairage. En fait, Silent Hill, on déambule très souvent avec sa lampe torche. Et l'éclairage à l'époque était quand même quelque chose. C'est un éclairage semi-dynamique. D'assez peu vu sur console. C'est-à-dire que vraiment, c'est une prouesse technique. Le faisceau de lumière sur les décors se reflétait de manière assez, assez impressionnante. Maintenant, c'est vrai que le jeu était en 3D, contrairement au décor 2D de Resident Evil. Ouais. Et le problème, c'est que tu avais l'impression d'évoluer dans une bouillie de pixels dans Silent Hill, ce qui pouvait un peu casser le. En fait, la résolution est très basse. Pour pouvoir. Afficher ces effets de lumière pour pouvoir les calculer, quoi, pour la pauvre petite PlayStation. Bah malheureusement la réseau est plutôt basse. Regarde, il suffit de prendre, tu sais, c'est un autre jeu PS1, tu prends je dis au pif Chrono Cross, tu mets Chrono Cross un combat, hein, les combats en 3D, hein, tu mets un combat Chrono Cross à gauche, tu mets Silent Hill 1 à droite, t'as l'impression que c'est même pas la même console. Ah mais c'est sûr. T'as l'impression que c'est même pas fait sur la même machine. C'est sûr. Alors, c'est vrai que Chrono Cross, c'était juste l'ère de combat à gérer. Bon, là, c'est vrai que Silent Hill, c'est tout un. Ouais, mais même, tu prends Vagrant Story, tu le mets à côté de. Oui, tout oui, en bien 3D, sûr, bien tu sûr. Le mets à côté de Silent Hill, c'est le jour à la nuit quand même, tu vois. Donc, mais le souci, c'est que voilà, ce type d'éclairage dynamique, ça. C'est. Enfin, peut-être que les gens peuvent quand même imaginer que. Enfin, en termes de ressources, c'est énorme pour la petite PlayStation qui est une console quand même très limitée. Donc. Enfin, à l'époque, elle en avait dans le bide, la PlayStation, quand elle est sortie. Mais c'est ce que tu voyais sur PC. Ce genre de lumière dynamique, c'est ce que tu voyais sur PC. Hein. Tu voyais pas ça sur console. Exactement. Et en fait, moi, je vois Silent Hill un peu, tu sais, comme une première graine qui a été plantée. Ouais. Je dirais pas un brouillon, parce que ce serait trop méchant pour le jeu qui est vraiment. Non, non. Il est pas brouillon du tout. Qui est fabuleux, voilà. Ouais, mais je pense que c'est un peu Capcom les premières dû pierres. Avoir peur. C'est les premières pierres, en fait. Voilà. Ouais. Je pense que. Chez Capcom, ça a dû suer du cul là, quand il est sorti, parce que c'est quand même incroyable. Hein. Le premier, bon, moi, je préfère Resident Evil 1. Voilà. C'est mon avis. Par contre, c'est le seul Resident Evil avec Resident Evil 4 et 2 que je mets au-dessus de Silent Hill 1. Par contre, Silent Hill 2 et 3, pour moi, sont... Bah, en fait, Avec Resident Evil 1 et 4, pour moi, c'est, on va dire, c'est les 4 survival qui chient à la gueule de tous les autres, quoi. C'est pour moi, que j'aime bien les Fatal Frame, la merde. Putain, comment ça s'appelle? Projet Zéro ou Zéro. J'aime bien Projet Zéro 1 et 2, et en survival. Je crois que c'est tout. Mais moi, en fait, alors, Survival Horror, bon, c'est un de mes genres favoris, donc je pourrais en parler des heures, mais le truc, c'est que, pour revenir au duel, entre Resident Evil et Silent Hill, je préfère Resident Evil. Voilà, moi parce aussi, que ouais. Il m'a beaucoup plus marqué. Le premier Resident Evil, je m'y replonge régulièrement, parce que voilà, pour moi, c'est. Mais toujours... parce, en fait, ils sont agréables à jouer, manettement. C'est toujours aussi efficace. Au gameplay, ils sont Resident Evil 1, il est amusant encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, même si t'as beaucoup qui vont dire ah, mais attends, t'as l'impression de diriger un tank. Bon, pour moi. Ah bah putain, c'est Resident Evil 1, je suis désolé. Pour moi, au bout de 5 minutes, tu contrôles bien le perso. Bon, le joueur d'aujourd'hui veut plus faire d'efforts, donc ça après, c'est encore non, autre chose. Non, mais la jouabilité de Resident Evil 1, elle a chié aussi, quoi. Faut arrêter. Mais après. Moi, en fait, c'est vraiment deux offres différentes, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu injuste de les faire se confronter. C'est même totalement con. Mais c'est le principe aussi de cet épisode, c'est qu'on voulait revenir sur les duels qui ont animé les discussions entre joueurs et les magazines, la presse en général, voilà. Et c'est vrai que là, c'est concrètement c'est un duel comme d'autres dans cette émission où on va donner notre préférence qui est totalement subjective. Ouais. Mais sur le papier, de manière, on va dire purement logique, il y en a pas un où tu peux dire bon bah celui-là ils le défoncent parce qu'ils ont pas du tout la même approche, ils ont pas du tout la même proposition. Ouais. Moi maintenant. Pour moi, d'une manière historique, de manière de plaisir de joueur, bon, je mettrais Resident Evil 1 effectivement devant. Maintenant, c'est vrai que Silent Hill 2. Mais je préfère la série des Silent Hill. Tu vois. Bah moi, en fait, je peux pas les départager parce que le problème, si on peut juste faire deux secondes là-dessus, parce que je suis désolé, hein, je me sens obligé d'en parler quand même, c'est que Silent Hill 2 est insurpassable. Enfin, pour moi, j'ai jamais vu un survival horror qui ne dans cette catégorie-là, qui sur ce terrain-là, qui l'égale, quoi. Enfin, vraiment, il est. Ah oui, non, c'est. Silent Hill 2, c'est. Voilà. Mais Resident Evil. C'est le Final Fantasy 7. Enfin, 6 plutôt, survival, pour moi. Oui, mais, oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on va dire que c'est le Mario 64. Oui. Mario World plutôt. Oh putain, c'est vrai. Ah bah oui, là. Si tu veux, oui, d'accord. Mais bon, voilà. Non, mais là, je prends par rapport à mes épisodes préférés de chaque série qu'on vient de citer. Mais ah ouais, je suis casse-couille, je le sais. Et le truc, c'est que Resident Evil et Silent Hill, pour moi, je les confronte pas en fait. Parce que, comme je disais, c'est deux offres différentes. Tu prends Resident Evil 1 et 2, que j'aime beaucoup. Tu prends. Je préfère le 2. Tu prends le 4, bon voilà, qui a amené la révolution que l'on sait dans les TPS. J'aime beaucoup Code Vero aussi. Code Vero, pour moi, est justement fait un peu une synthèse entre une ambiance à la Silent Hill et Resident Evil. Ouais. Ouais, il est bien. Je l'aime vraiment beaucoup moins que Resident Evil 2, mais il est sympa. Hein. J'aime beaucoup Code Vero. D'ailleurs, ça devait être le 3, hein, peut-être. Code Vero, non? Alors, il y a toute une histoire. En fait, ça devait être le 3. Et le Nemesis devait être dans Code Vero. Voilà. Mais sauf que pour faire patienter les joueurs, vu les retards de la Dreamcast, ils ont fait le 3 entre-temps. Ah oui, c'est vrai, voilà, je m'en souviens. Voilà, voilà. Camille a fait le 3. Voilà. Genre, oui, c'est un cadeau. Mais la vraie suite de Resident Evil 2, c'est Resident Evil Code Vero. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Silent Hill, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a le 1, donc on vient d'en parler. Le 2 et le 3. J'aime un peu moins le 3, mais le 3 est aussi extraordinaire, j'aime je trouve. Le 3. Même si le 2 est au-dessus. Bah, pareil, c'est deux approches psychologiques totalement différentes, mais qui se complètent, en fait. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce, j'ai l'impression. Pour conclure, en fait, c'est vrai que les opposés, a priori, n'a pas de sens, puisque moi, j'aime autant les deux sagas, mais pour des raisons complètement différentes, en fait. Voilà. Ouais. Quand je dis j'aime autant les deux sagas, les épisodes, les meilleurs épisodes de ces deux sagas, puisque pareil, Silent Hill, bah, dernièrement, ces dernières années, ça s'est un peu, voilà, un peu dilué, un peu beaucoup même. Ouais, et ne parlons pas de Resident Evil. Donc, ouais, bah, les deux ont subi un peu le même... Ouais, un peu le même sort qu'en fait. Le même sort, hein, tu veux. Avec sauf des épisodes... Que, voilà. Sauf que le nouveau Silent Hill, ça devait être une putain de tuerie, mais que comme Konami, c'est des gros fils de pute, ouais. Qu'ils ont rien voulu comprendre. Je pense que là, on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être énorme. D'incroyable, d'incroyable. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. On est passé à côté d'un jeu historique, je pense. Ah, y a de grandes chances, ouais, qu'on soit passé à côté d'un futur classique. Parce que là, vraiment, le cerveau de Del Toro et de Kojima réunis comme ça, enfin... Rien que sur une je petite suis dégoûté démo. De ne pas avoir la démo, bah, parce que la PS4, je l'ai eu très tard, et du coup, la démo... Ben un jour, il faudrait que je te la fasse essayer, parce que moi, alors, je la garde comme un trésor sur ma PS4. Donc bref, en tout cas, bon, c'est très dur de les départager. Moi, je dirais Resident Evil. Juste un petit mot avant qu'on conclue sur la musique de ces deux jeux, puisque... Bon, bah, d'un côté, on a Akira Yamaoka, le génie, qui nous fait des musiques et des ambiances atmosphériques absolument fantastiques. Ouais, c'était jamais vu. Enfin, bah, jamais. En fait, le sound design de Silent Hill fait vraiment partie du game design, en fait, pour moi, puisque... En plus, oui. C'est, le jeu marque autant par ses musiques absolument fabuleuses qu'avec ses ambiances sonores, avec ses bruitages tantôt organiques, tantôt métalliques, tu ne sais... le jeu se joue des nerfs en fait de l'utilisateur avec les sons environnementaux. C'est ça. Et surtout c'était son 3D. C'était à partir du 2 ça. Alors ça 3D. Je sais plus. Non, je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait le 2 quand tu joues au casque à partir du 2 tu peux savoir si c'est un ennemi à gauche ou à droite. Oui, mais dans le 1 je sais plus si c'était le cas. Ça, par non, contre, je crois pas que dans le 1 c'était le cas. Et puis il joue beaucoup avec... Alors même si tout ça ce sera beaucoup mieux exploité, beaucoup plus fort dans le 2, mais il joue aussi beaucoup avec les silences et je crois que Yamaoka avait même dit que pour lui le silence était un son à part entière et c'est vrai qu'il a tout à fait raison et il en joue très très bien. Mais d'un autre côté, les musiques plus classiques du film d'horreur de Resident Evil, pour moi, sont magnifiques et je les aime beaucoup. Ouais. Et, celles du 1 et du 2, elles sont vraiment... La musique du manoir de Resident Evil, pour moi, fait vraiment partie de l'ambiance avec les petits râles de zombies que t'entends loin. Enfin bon voilà, donc du coup pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, moi je mettrais Resident Evil quand même devant. Et puis voilà quoi. Du coup il nous reste 20 minutes d'émission. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un dernier petit duel ou on s'achemine vers la conclusion? Bon, est-ce que je vais faire un tout petit duel? Alors, je vais le faire tout seul, ça te dérange pas? Oui, il y a celui que tu devais faire tout seul, bah ça tombe très bien du coup, vas-y. Retro Game Battle! Je vais me faire un petit auto-duel. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que ma console 8-16 bits préférée, c'est la PC Engine. Alors, on en a sûrement déjà parlé, voilà, c'est ma préférée. Pour moi, je la préfère même à la Super NES, c'est quand bien même la Super NES. Ok, pourtant, je coupe, salut! Non, et pourtant, la Super Famicom, elle la talonne, tu vois, si tu veux, vraiment de très très très peu. En fait, moi, ce qui fait que la Super NES passe en dessous, c'est pour les shoots, en fait. Oui, parce que toi, t'es très shoot. Et ouais. Comme je suis très shoot, voilà. En fait, tu vois, sur Super NES, tu retires certains jeux, genre Super Goose and Ghost, Mario World... Et FF6, elle est loin derrière la PC Engine, quoi. Mais avec cette Triforce, tu vois, avec Zelda 3, etc., c'est ce qui fait qu'elle est vraiment... Je ne suis si tu veux, elle est collée, tu vois. C'est vraiment... C'est collé, quoi. La PC Engine, elle est posée dessus, si tu veux, tu vois. Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais si justement, moi, c'est ce qui est intéressant, voilà. C'est voilà, pour moi, elles sont jumelles. Et donc, tu voulais parler d'un jeu en particulier. Ouais, voilà, en fait, du portage arcade de R-Type. Moi, je me souviens qu'à l'époque, tu vois, genre le R-Type sur Master System, tu vois, c'était genre, waouh, attention, putain, c'est quasiment comme l'arcade, il est vachement mieux que la version NES. Oh, regarde, c'est incroyable, c'est vraiment le même. Le problème, c'est que moi, en vidéo, puis même dans les magasins, j'avais vu la version PC Engine, quoi. Et quand tu vois la version PC Engine, je l'avais vu dans un magasin, je me souviens, à Voltaire, à République. Pas ceux dans la rue, là, principal. C'était un autre magasin, tu sais, dans les rues adjacentes. Ouais, il y en avait tellement. Ouais, et tout au bout, en fait, t'avais plein de jeux. Je me souviens, t'avais, je crois que t'avais Phantasy Star 1 en démo sur Master aussi. Et à l'époque, je trouvais ça avec les dessins genre style manga, c'est l'écran titre. Je me souviens que ça m'avait impressionné à l'époque. Du personnage principal à Alice. Et puis il y avait R-Type que j'avais déjà vu en arcade à Paris Nord quand on était petit. Donc centre commercial. Et là, et puis en Italie, parce qu'on l'avait vu aussi en Italie, R-Type, je sais pas si tu te souviens. Avec le boss, là, le gros boss. Il faut juste rappeler que c'est un shoot vraiment étape dans l'histoire du shmup. Ouais, de IRM. C'est un jeu fabuleux, quoi. Voilà. Et puis là, je vois la version PC Engine. J'ai la gueule par terre, quoi. Je fais, mais c'est le même qu'en arcade. Alors que j'avais vu la version Master System chez un pote de l'école. C'était peut-être chez Maxime à l'époque. Ouais, peut-être, ouais. Et en micro, juste petite parenthèse, on en avait déjà parlé. En micro, il y avait la version Amiga d'R-Type qui était pour les versions micro-ordinateur qui était la meilleure. Ouais, sur ordi c'était la meilleure, mais la version PC Engine. Ah bah oui, elle est quasi arcade perfecte quoi. Voilà, alors elle est juste incroyable. Alors moi je l'ai eu sur le tard quand je me suis pris PC Engine à moi, qui était une TurboGrafx à l'époque, et j'étais sur le cul quoi. Parce que bon, moi le premier R-Type c'est mon R-Type préféré, hein. Je préfère même à Super R-Type, largement au Super R-Type, et je préfère même le premier R-Type à R-Type 3. Parce que le 3 est sur Super NES pour la petite histoire, qui est exceptionnel hein, pourtant. Mais voilà, c'est la version arcade du premier R-Type, je sais pas, elle a quelque chose de spécial, je trouve. Et cette version PC Engine, sans déconner, elle est quasiment pareille, tellement pareille, qu'il n'y avait pas cette place dans la U-Card et que le jeu était vendu en deux parties. Tu avais R-Type version A, je crois, et version B, il me semble. Qui a été rassemblé ensuite sur TurboGrafx. Ça veut dire qu'à l'époque, PC Engine CD. Tu devais acheter à l'époque. Tu devais acheter deux jeux pour avoir le jeu complet. Mais c'est chaud. Ils étaient chacun vendus à un prix de jeu plein ou... Très bonne question. Parce que si c'est ça, c'est la grosse arnaque quand même. Hein. Je pense qu'il était vendu plein. Alors s'il y a des fans hardcore de PC Engine, ce serait bien qu'ils nous éclairent. Parce ouais. Que... Bon après, bon les jeux étaient moins chers hein, à l'époque. Ouais, mais avoue que c'est tendu quand même. Mais ça a abusé. C'est clair qu'il y a une version. C'était vraiment pour les fans vraiment du jeu. Voilà. Quoi. Mais bon, c'était parce que le problème, c'est que mets-toi dans le contexte de l'époque, quoi. T'as le R-Type arcade perfect à 99% sur ta console, quoi. Je pense que les gens. Mais c'est ouf, ouais. C'est ouf. Tu sais, c'est comme nous, Final Fight sur Super NES, il sortait, il te manquait Guy, et puis tu pouvais pas jouer à deux, quoi. Bah pourtant, personne n'a créé au scandale. Oui, mais là, t'avais quand même le jeu... Enfin, ils avaient amputé d'un niveau, tu vas me dire. C'est vrai que amputé d'un niveau, quoi. Mais t'avais pas de cartouche à acheter, quand même. Voilà. Bon, là, le R-Type, attention, hein. R-Type, c'est un jeu qui est long, quand même. Hein. C'est pas un shoot où il y a quatre niveaux. Donc, tu vois, oui, dans la c'est version... Surtout, c'est un des premiers shoots. C'est un des premiers où t'as des commandes avec Gradius... c'est un des premiers où tu as des sprites aussi énormes niveau des attaques. Tu as des boss qui sont gigantesques. C'est ça. Regarde la vidéo de la version PC Engine. Juste, tu pètes les plombs. Quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible? Merde, c'est une 8 bits. Quoi. C'est vrai que c'est une console qu'on avait vraiment sous le capot. Et le jeu, il est 10 fois plus fluide que Super R-Type. Quoi. Enfin, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc, voilà, je voulais en parler parce que je voulais mettre un petit jeu PC Engine. Après, si on doit faire des comparaisons arcade et PC Engine... Donc là, tu voulais faire un duel contre... Master System, PC Engine, il n'y a pas de combat. La version Master System... Ah d'accord, ok. Ah, parce qu'ils ont vraiment beaucoup été comparés Oui, oui, oui. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Ça, je n'avais pas souvenir de ça, c'est marrant. Et puis surtout, c'est une comparaison de conversion arcade à console. Ouais, sur de 8 bits en plus. Donc, voilà, et ce qui est drôle, c'est que si tu fais le match à chaque fois, pour quasiment toutes les conversions arcade, c'est la version PC Engine qui éclate les autres conversions console. Bah, on parlait de gros plans sur la souris tout à l'heure, et ce que j'adorais dans cette émission, c'est qu'il aussi, il parlait beaucoup d'import. Quand on voyait les conversions de jeux d'arcade sur PC Engine... Oh, bah, en fait, c'est simple. Elle est tellement, c'est hallucinant, quoi. Elle est tellement au-dessus de la NES et de la Master System que la comparaison, il faut la faire avec la Super NES, après. Mais c'est pour ça que pendant longtemps, avant que dans les magazines de l'époque, on nous explique « Non, c'est un processeur 8 bits, etc. » Beaucoup de gens pensaient que c'était une 16 bits en fait la PC normal. Engine. Voilà. C'est normal. Enfin, elle fait des jeux. T'as certains jeux qui sont plus beaux que les plus gros jeux Mega Drive. Donc forcément, tu te poses des questions quand t'es pas dans la tech. Tu te dis merde, mais c'est vraiment une 8 bits ou Quand tu vois la version de Street Fighter 2 qu'elle avait eu, c'était hyper impressionnant quoi. Ah bah c'est clair, attends, c'est... elle est bien mieux que la version Mega Drive. Hein. Le Street Fighter de Turbo sur PC Engine, la version Mega Drive, elle peut aller se coucher. Hein. C'est... Ouais, ce qui est ouf, parce que la Mega Drive, c'est contrairement, histoire, elle a quand même plus de puissance embarquée, quoi. Mais, bah ouais, mais faut croire. Après, faut voir comment la machine, voilà, ce qu'elle proposait, voir comment les programmeurs... C'est de l'ingénierie, de toute façon, c'était des génies, hein. Chez NEC. Hein. Donc, attends, il suffit de voir la GT. Hein. Ouais. Regarde la GT, c'est les mêmes jeux qu'il y a sur ta console. Hein. Les jeux que tu mets sur ta console, tu la mets dans ta GT. C'est les U-Card. C'est oui, les mêmes. Je me souviens de ça. Bon, après, il y avait le problème des piles et tout ça, donc ça, c'est encore autre chose. Mais ah, bah ouais, mais. Ça, un écran couleur, c'est normal. Voilà, ça, écran couleur et rétro-éclairé. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est donc, vrai. Donc, c'est. Ah, mais bon, je pense que la machine devait être aussi facile, entre guillemets. Enfin, en tout cas. Pensée pour que les programmeurs puissent vraiment s'éclater dessus et je pense qu'elle était très bien pensée à la base quoi. C'était donc, du C et du basique donc il y avait rien de. Donc on va encore se faire des amis du côté des intégristes de Sega. Donc du coup mais bon là c'est vrai qu'effectivement il n'y a pas de match puisque moi je me souviens l'avoir vu tourner où c'est la version PC Engine et c'est assez bluffant, c'est hyper bluffant. Les adaptations d'arcade, elles étaient ouf, comme Ninja Spirit ou enfin pas mal non, de jeux comme ça. Non, mais c'est pas sérieux. Est-ce qu'il faut vraiment parler du Goose and Ghost aussi? Ouais. Non, le Strider qui est jamais sorti, malheureusement, c'est dommage, il était arcade perfect. Ouais, c'est clair. Donc, bon, et puis les shoots, voilà, n'en parlons pas. Hein, Mais c'est pour ça, je pense que tu l'aimes autant, c'est comme tu disais, c'est comme toi, t'es très shoot. C'était la console des shoots, quoi, de toute façon. C'était la console des shoots et des jeux de plateforme, pour moi. Donc c'était vraiment tu prends Superstar Soldier, Final Soldier, bon est-ce que vraiment il faut en parler et que tu prends la série des PC Kid, tous les jeux Taito qui sont quasi comme l'arcade aussi une fois de plus enfin bon c'est en fait c'est simple la PC Engine ça me fait un peu comme la Super NES c'est-à-dire qu'il y a tellement de jeux dessus, il y en a tellement des bons jeux que tu sais même pas quoi acheter quoi, j'achète qui en premier quoi, il y en a trop, enfin jamais j'arriverai à me faire et je découvre encore maintenant des jeux PC Engine qui sont excellents et que je connaissais pas quoi. Donc c'est tout comme la Super NES, je découvre encore maintenant, ça arrive, des jeux Super NES que je connaissais pas et qui sont excellents. Contrairement à la Mega Drive où au bout d'un moment tu as fait le tour quoi. D'ailleurs ça pourrait être intéressant aussi de faire une émission sur des gros jeux 8, 16, 32 bits qui ne sont pas du tout connus et qui doivent vraiment être faits. Parce que moi, pareil, il y a des jeux sur Super Famicom, des jeux de plateforme action. J'en ai 2-3 en tête, mais bon, j'en parlerai plus tard parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Mais qui sont vraiment, pour moi, certains à la hauteur de ce que faisait Capcom et Konami. Mais ce sont des jeux qui sont passés un petit peu à la trappe, parfois parce qu'ils sont restés qu'au Japon, et que vraiment, même dans la presse, ils n'avaient pas été testés, ou soit parce qu'ils sont arrivés alors que les gens étaient tournés déjà vers les 32 bits. Voilà. Mais il y a vraiment des jeux mais vraiment géniaux. Il y en a certains, j'en ai parlé à l'époque où j'écrivais pour Retro and Magic sur No Life, il y en a certains où j'étais vraiment très heureux de pouvoir les mettre un petit peu en lumière, mais... Puis le cas de la PC Engine, c'est qu'elle a été très mal distribuée en Occident. Ah, bah c'était un merdier pas possible, donc... Là, quand je parle, de jeux cultes, putain, PC Kid 2 et tout, un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps, blablabla, tu dis ça au Japon, les gens, ils disent oui, bah oui, évidemment. Oui, parce que... Chez nous, c'est... Hein, c'est quoi ? Là, on va conclure, mais il faut quand même rappeler qu'effectivement, elle était très mal distribuée au Japon, et qu'au Japon, c'est ce qui a pressé Nintendo de sortir sa Super Famicom. C'était la PC Engine qui cartonnait, qui commençait à faire de l'ombre. En tout cas, Nintendo avait peur que ça fasse de l'ombre à la Famicom. C'est ce qui les a poussés à annoncer la Super Famicom beaucoup plus tôt que prévu, et c'est ce qui les a poussés à la sortir plus tôt que prévu. Chez nous, le combat, c'était NES Master System. Il n'y avait pas eu, de combat au Japon avec la Master System. Elle était... Les Japonais, on en avait rien à branler de la Master. Hein. La Mega Drive, c'est pareil. La Mega Drive, ça restait relativement confidentiel au Japon. C'était Nintendo et la Famicom et la PC Engine. La Mega Drive au Japon, c'était un peu un public de core gamer avec une moyenne d'âge un peu plus haute. Ouais, c'était genre sur Nintendo. C'était les joueurs de Phantasy Star, tous ces trucs-là. La Mega Drive, c'est surtout les États-Unis et l'Europe où. Exactement. Le cartonner. Enfin, elle a pris la place de la PC Engine chez nous, quoi. Donc on déclare la version PC Engine par... d'AirType. Ouais. Là, c'est par KO et même par vainqueur. Ah ouais. Là, c'est... Alors pour tout dire, on avait encore pas mal de duels, mais là, c'est impossible. On n'aura pas le temps. Castle of Illusion, on avait contrat. On voulait parler des contrats. Bah là, on avait encore Castle of Illusion, Magical Quest. On avait donc le contrat de la Mega Drive et le contrat de la Super NES. Il y avait aussi le Castlevania. Voilà, le James Bond sur Amiga et la version Mega Drive. On avait Mario 64, pareil, pas assez connu. Et qui est génial. Mario 64, ouais. Banjo-Kazooie. Enfin, on avait encore pas mal de choses comme ça. Ouais. Donc, bah, si cette émission vous a plu, on fera peut-être faire un numéro 2. On fera un numéro 2. Pas attendre un an avant de le faire. Par contre, je pense que si ça marche, on fera ça en début 2017. On verra. Enfin, premier trimestre 2017. On a d'autres sujets. Voilà. Donc, on arrive à notre... dernière rubrique traditionnelle, on vous propose à tour de rôle, Julien et moi, un morceau de game music afin de, voilà, d'établir une liste ultime de musique de jeux vidéo. Et donc là, c'est ton tour, Julien, parce que l'épisode 9, j'avais proposé le thème des combats de Valkyrie Profile. Et moi, je pense qu'il sera intéressant, parce que là, tous les jeux qu'on a énumérés là, dans ces duels, il y en a plein qui possèdent des musiques qui font partie de notre de nos morceaux de game music préférés. Yep. Et donc je sais pas, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur les musiques. Street of Rage, c'est vrai que c'est une évidence et on y viendra fatalement un jour. Mais peut-être faire je vais un peu plus original. Une musique d'un jeu PC Engine. D'accord. Je te filerai le lien parce que je sais pas si tu trouveras la musique. Enfin, si tu la trouveras, parce que la BO elle est facilement trouvable, mais pour que tu saches exactement laquelle c'est. Un de mes jeux de plateforme préférés, qui est pour moi sur la même marche que Super Mario World, qui est donc PC Kit 2, et pas le 3. Voilà, je préfère le 2. Ouais, c'est personnel. Je trouve que le 3 il part un peu dans tous les sens, donc il est très bien, il est super drôle, etc. Enfin, bref. De toute façon ils sont tous vachement bien, quoi. Voilà, mais voilà, je trouve que au bout d'un moment faire trop de bonus, ça, voilà, je trouve qu'il se disperse un peu trop. Voilà, le 3 pour moi, le 2 fait vraiment la synthèse de ce qu'est PC Kid. Juste au passage, parce que j'ai déjà vu des gens en parler, oublier toutes ces grosses merdes de remake qu'il y a eu sur GameCube ou je sais pas quoi, qui sont arrivés après, ce ne sont pas des PC Kid, ça n'existe pas. Ils sont à l'image de Dragon Ball GT, quoi. De ce qui est pour PC Kid. C'est que ça n'a jamais existé, et c'est une insulte pour cette série. Donc, c'est la musique du tout premier round de PC Kid 2, donc le round 1-1. Donc, c'est un round assez original, en fait. Enfin, c'est assez original de commencer un jeu de plateforme comme ça. C'est une ascension, en fait. C'est avec des chutes d'eau. Qu'il faut remonter à la nage. Ah oui, je me souviens ça. Ouais, avec l'animation très animée, ouais, avec très les marrant, pieds qui. Je me rappelle bien. Donc, bon, de toute façon, c'est que Dr. Slump en jeu vidéo, PC Kid. Donc voilà. Et puis, bah écoute, cette musique, pour moi, elle est emblématique de la série, même si c'est pas le thème principal du jeu, qui est le thème des rounds bonus et des génériques de fin. J'aurais pu mettre celle-là à la limite, parce que c'est vrai qu'elle est. Elle est excellente, elle est super marrante, et d'ailleurs mon fils pète littéralement les plombs quand il l'entend. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, t'as l'impression qu'il y a des câbles qui se touchent, tu sais. Il pète les plombs, il saute partout, il se transforme pas en PC Kid. Ouais, voilà. Ah bah si, il met des coups de tête, hein, t'inquiète. C'est un gros bourrin. D'ailleurs, avec Kelly, on a tendance à dire que c'est PC Kid, en fait. Voilà, les jeux vidéo. Grosse tête, gros front. Les jeux vidéo, encore une fois responsables de la violence de nos jeunes. J'y peux rien si mon fils a un gros front. C'est pas de ma faute, il a la tête dure, bonk, c'est bonk, ça peut être son prénom aussi. Surtout qu'il se casse la gueule constamment. Bref, c'est Maggie, c'est dans les Simpsons, c'est hap, hap, hap, voilà, c'est ça le. Ouais. Ceci explique en cela. C'est le front à chaque fois, c'est là. Ah, il y a une raison à tout, hein. Il y a une raison à tout. Donc voilà, c'est la musique donc, du premier round de PC Kit 2, qui est un des plus grands jeux plateforme de tous les temps, en termes de game design, de level design, de d'idées de gameplay, d'ambiance, de avec Zool, incroyable. Avec Zool, je pense que c'est les deux meilleurs. Mon dieu. Il fallait finir par une petite blagounette de derrière les fagots. Cette mascotte de Roumain, quoi. Il faut qu'on la fasse, notre émission sur les mascottes pourries. Hein. On avait fait un épisode du S-Gold. Oui, on l'a fait. Oui, on l'a fait, bien sûr. On avait parlé du S-Gold, mais tu sais, c'était dans le cadre des adaptations ST Amiga. Voilà. Oui, ok, effectivement. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'il faudrait faire. Il y a deux podcasts qu'il faudrait faire. Il faudrait faire un podcast sur les jeux qui nous ont marqué, nous. On se fait une petite liste et on choisit genre 5 jeux. Oh, ça, c'est dur. C'est impossible que 5 jeux. Ouais, bon, mais c'est pour pas que ça dure 8 heures non plus. Et, et aussi un podcast spécial d'Aube. Spécial jeu pourri, quoi. Bah, moi je... Déception et jeu pourri. Moi, je pense que, tu sais, début 2017, ce serait le moment de faire un épisode qu'on nous réclame beaucoup, tu sais, c'est de faire le... une sorte de suite de ces jeux que tout le monde adore sauf nous, et de faire l'inverse en fait de ces jeux que tout le monde déteste sauf nous. Ça, ce serait alors ce serait dur de trouver des jeux je pense qu'on peut en trouver. Il y a ce que t'as lancé tout à l'heure aussi sur reprendre un peu le concept de mais c'est un bon jeu mais voir pourquoi pas faire même une petite compile, pas faire juste un jeu. Ça pourrait être très sympa de faire ça aussi. Les mascottes. J'ai une idée pour faire notre épisode de fin d'année. Là, plus sur l'actu, je pense que ce serait sympa de faire ça. Je te dirais ça. D'accord. Mais bon, bref, il y a pas mal de choses. Mais les mascottes, on se ferait plaisir, ouais, parce que surtout sur micro-ordinateur, il y a eu des choses. Oh la vache. Des immondices de fait qu'on. Enfin, des gueules de mascottes que même sur des paquets de céréales hard discount, tu les mettrais même pas. Enfin, je veux dire, c'est clair, c'est pas possible. Ah, il y a des trucs. T'as l'impression que ça a été, tu sais, même presque improvisé à la souris, tu sais, sur Deluxe Paint. Du genre, il me faut une mascotte, vas-y, je fais un nez de chien, après je fais des oreilles de lapin. J'ai fait une tête bien Warner Bros mal dessiné, tu sais, avec des grands yeux dégueulasses. Un faux Warner Bros. Un peu comme on trouve, tu sais, ces occidentaux parfois qui veulent faire manga et qui font des persos dégueulasses. Bah là, c'était pareil, Yoko là. Ouais, voilà. Et genre. Mon dieu. On va faire un style Looney Tunes alors que c'est complètement raté. Ouais, c'est un peu le même truc, quoi. Donc, Alfred Chicken, s'il te plaît. Ouais, bah même sur PS1, il y en a eu aussi des trucs, mais. Tu sais, objectivement, Crash Bandicoot, il est pas beau. Hein. Il est moche, hein, je trouve. Alors là, je suis pas d'accord. C'est que, comme je le disais dans ma vidéo, Crash Bandicoot est un bon jeu, mais je trouve que Crash Bandicoot, justement, ce qui sauve un peu le truc, c'est que j'adore sa gueule parce que lui, il fait vraiment Looney Tunes en fait. Il a un peu de Taz, il a un peu de. Ouais, je sais pas. Après, c'est le jeu pour moi qui a raté, mais voilà. Enfin, bref. La musique du premier round de PC Kid 2. Alors avant de nous quitter, on va quand même dire au revoir, parce qu'on est quand même bien élevé, n'est-ce pas? Ah, salut. Salut, bande de cons. Puis on entend une porte qui claque. Une chasse d'eau. Je suis très bon bruiteur, hein, vous aurez remarqué. Donc. Magnifique son de chasse d'eau. Donc bah, on remercie tous ceux qui nous suivent, et surtout ceux qui partagent sur les réseaux sociaux et qui... Faut reformuler ça. On remercie ceux qui partagent et on emmerde ceux qui le font pas. Oui, c'est une formule. Je sais pas si à long terme ça peut être payant, mais c'est une façon de voir les choses, effectivement. Merci beaucoup. Voilà, donc mettez-nous des petites étoiles sur iTunes, partagez si cela vous plaît. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien, à la prochaine. À la prochaine, portez-vous bien. Et mettez des petites laines parce que. Pas parce qu'il fait froid, quoi. Voilà, faites une cure de vitamine C. Et puis, voilà, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Et donc, on va s'écouter ce fameux thème donc, de PC Kid 2. C'est le premier round, tu m'as dit, c'est le premier niveau, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le premier stage de PC Kid 2, ouais, qui est très court. Hein. C'est une musique que tu n'entends qu'une fois de tête. On la entend peut-être après. Bref, je sais plus, mais bon, en tout cas, elle est assez discrète dans le jeu. Donc et c'est bien parce que c'est le premier morceau PC Engine qui rejoint notre super liste. Ouais, c'est vraiment en dehors de l'écran titre, c'est la première musique que tu te prends dans la tête. D'accord. Elle est mythique. Ok, bah y a pas de souci. Donc bah on s'écoute ça tout de suite. Et ouais. Puis bah on vous dit à la prochaine et à très bientôt. Salut. À très bientôt. Ciao. Retro Game Battle!